Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On se retrouve pour la deuxième fois de l'année, puisqu'on avait déjà couvert l'après Barcelone, le fameux shakedown de la Formule 1 qui avait lancé la saison. On se retrouve entre deux sessions de Bahreïn, puisqu'il y a eu trois jours d'essai la semaine dernière, de mercredi à vendredi. Il y a de nouveau trois jours cette semaine, de mercredi à vendredi. Donc c'est le moment de faire un petit point tous ensemble sur la forme des équipes, ou la méforme des équipes, selon quelle équipe on parle. Et puis de voir un peu qui est en avance, qui est en retard, qui rattrape son retard, qui prend du retard. Donc voilà, c'est pas mal de choses qui se sont passées sur ces trois jours. Il y a eu beaucoup de roulage globalement, mais aussi pas mal de petits problèmes. On va pouvoir débattre de tout ça tous les trois ce soir, puisqu'il y a Alex avec moi. Ça va, Alex ? Ça va. Et bien, écoutez, la hiérarchie s'est un peu renversée par rapport à ce qu'on disait. Aston Martin est descendu encore plus bas et Red Bull est peut-être monté encore plus haut. Donc, contre toute attente, le nouveau moteur pourrait être le meilleur. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce jeu de bluff. Hein. Tout le monde se renvoie le miracle de la saison, de l'intersaison, en disant que l'autre a fait mieux. Donc on verra s'il y a du bluff ou s'il y a des vraies choses qui ont été dites. Et Franck aussi pourra nous éclairer un petit peu là-dessus. Ça va, Franck ? Bonsoir tout le monde. Bah, écoutez, oui, ça va très bien. Un premier roulage à Bahreïn fortement instructif, en tout cas en termes de kilométrage et de roulage pour les équipes. Pas mal déjà de relais de course, simulation de course, donc c'est peut-être plus là-dessus qu'on peut se focaliser aujourd'hui pour essayer de voir les forces en présence. Mais bon, ça reste encore un petit peu flou, on sait quand même que les quatre gros teams sont plus ou moins là, et que pour la performance pure, il va encore falloir un petit peu optimiser les cartographies moteurs et de recharge et de récupération d'énergie de chacun, parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu le jeu de la devinette de ce côté-là. Donc ça va être assez intéressant à débriefer avec vous. Exactement, hein. C'est vrai qu'on a quand même pas mal d'inconnus, évidemment. On n'a pas dans le secret des équipes, mais on peut voir aussi, alors on vous avait déjà expliqué un petit peu à Barcelone, que les équipes qui roulaient beaucoup et roulaient rapidement à un bon rythme, forcément c'était encourageant. Il y a toujours un peu de ça, on a des équipes qui ont rapidement pris la piste à Bahreïn, qui ont beaucoup roulé, d'autres à l'instar justement d'une des équipes premières équipes qu'on va parler, comme de Williams, qui a pu rattraper un peu son retard. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un roulage assez complet, notamment pour eux, puisqu'ils n'avaient pas encore mis la FW48 en piste, à part pour le shakedown à Silverstone. Donc je propose qu'on commence par Williams, qui a fait 422 tours du circuit de Bahreïn, ce qui correspond en 3 jours à 2283 km, donc presque 84, ce qui est quand même colossal, puisque, encore une fois, on parle d'une voiture qui n'avait fait qu'un roulage promotionnel juste avant de partir pour Bahreïn, qui n'était pas là au shakedown. Donc Franck, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce retour de Williams ? Est-ce que justement ça corrige les inquiétudes ? Est-ce que tu penses qu'il y a encore quand même des choses qui peuvent faire qu'ils sont en retard, ou est-ce que c'est sur une bonne voie de la part de l'équipe ? Disons qu'ils ont profité du gros roulage qu'a pu faire Mercedes avec ses équipes à Barcelone, déjà pour pouvoir démarrer assez rapidement leurs essais sans trop de crainte de ce côté-là. Donc je pense qu'ils ont pu se lancer peut-être un peu plus vite que ce que les autres équipes Mercedes, donc Mercedes, Alpine, ont pu faire à Barcelone. Donc effectivement, tu l'as dit, ils ont fait un petit roulage à Silverstone sous la pluie, ils ont fait un petit roulage à Bahreïn avant les débuts des essais le mercredi, ça s'est bien passé dans tous les cas. Donc en termes de fiabilité, ils peuvent compter effectivement sur un ensemble moteur, boîte, électronique bien rodé déjà du côté de Mercedes. Parce que bien rodé, c'est ce qu'on croyait. On en parlera plus tard, mais en tout cas, 422 tours, c'est quand même bien. Heureusement pour eux, effectivement, avec 3 jours à huis clos loupés, ça fait quand même malgré tout du retard, hein. C'est quand même des choses que les ingénieurs n'ont pas eu avec 10-15 jours d'avance par rapport aux autres pour pouvoir commencer à compiler les datas, les essais aéros notamment, pour essayer de commencer un petit peu à corréler les résultats en soufflerie, en CFD, pour commencer à développer des pièces. Donc il y aura forcément quand même toujours un petit retard derrière, mais si le roulage a été correct, si les données récoltées sont bonnes et que la base est bonne, ça peut s'effacer, voilà. Et puis on en est qu'au tout début du cycle réglementaire, donc on va dire petit couac de démarrage. Mais si ça a permis effectivement à Williams de développer une voiture qui est beaucoup plus ambitieuse, comme l'a dit James Vowles, parce que là on peut que se fier pour l'instant aux déclarations de chacun, si la FW48 était vraiment plus ambitieuse que ce que l'équipe de Grove était capable de produire en interne avec les process qu'ils avaient, avec les moyens qu'ils avaient, chapeau à eux, c'était peut-être effectivement le prix à payer. C'est qu'un jour de retard, Mais si derrière on a quelque chose de vraiment plus abouti que ce qui aurait pu être sorti en étant plus prudent, je pense notamment par exemple à Audi ou à Cadillac qui ont sorti leur voiture beaucoup plus tôt que les autres, bah c'est peut-être un pari qui sera gagnant mais un peu plus tard dans la saison. Ouais, exactement, hein. C'est vrai que Williams pourrait finalement gagner son pari que tout le monde lui a reproché quand l'équipe annonçait être absente à Barcelone. Toi Alex, qu'est-ce que tu as est-ce que tu penses que on est toujours un peu trop confiant en termes de com chez Williams, ou est-ce que tu penses que finalement il y a peut-être une chance que ce soit la bonne solution? Non, moi je pense qu'il faut toujours mieux rouler, hein. Mieux vaut toujours rouler. Donc je pense que je persiste à penser que si on est la seule équipe à pas rouler aux essais de Barcelone, ça reste quand même une mauvaise nouvelle en soi. Après, la saison elle va être très très longue. On sait qu'on va avoir un rythme de développement très très lourd, mais de toute évidence, hein. Moi je serais peut-être un peu plus pessimiste ou en tout cas un peu plus négatif, et pourtant j'adore James Vowles sur Williams, hein, l'absence à Barcelone, elle restait quand même un très très gros coup dur. Est-ce que la Williams c'était pas non plus la plus agréable à conduire, hein, j'avais l'impression aux essais de Barcelone, mais voilà, faudra voir ce que ça donne effectivement. Ouais, c'est vrai que c'était bon. Après, ils ont effectivement des phases de déterminage, hein, donc forcément, ça n'aide pas du côté de Williams à savoir où ils en sont en termes de performance. Ouais, on a globalement des. Je trouve que c'est une équipe qui est un peu compliquée à cerner parce qu'effectivement, ils ont. Les commentaires étaient assez, assez neutres, on va dire, que ce soit la part des pilotes ou des dirigeants. C'est vrai qu'on sent qu'il y a. Ils sont un peu dans les phases de commentaires qu'on avait des autres équipes à Barcelone finalement, et je trouve que c'est un peu compliqué à jauger. Après, c'est vrai que ils ont l'air au moins d'avoir fait une voiture fiable, ce qui était alors ce qui peut arriver, les problèmes peuvent arriver plus tard, hein, évidemment, puisque on l'a vu, comme on parlera plus tard après de Mercedes, que des fois les problèmes arrivent au fur et à mesure du roulage. Néanmoins, bah pour Williams, ça va être quand même un programme qui va être compliqué cette semaine, Franck, puisqu'il va falloir à la fois finir ce déverminage et quand même faire quelques runs performance pour voir un peu où en est la FW48. Oui, clairement, parce qu'en termes de performance, ça roulait pour le mieux à 3 secondes des temps de Mercedes, hein, parce que c'était Kimi Antonelli la référence la semaine dernière. On va quand même parler un petit peu des chronos parce que je pense quand même que les équipes ont comme envie un petit peu de savoir où elles se situent. Donc ça roule quand même de manière assez, assez rapide, ça. Même si ça ne doit pas tout dévoiler, on a quand même un début de quelque chose. Et quand, bon, voilà, quand on est quand même encore à 3 secondes, on se dit qu'on n'a pas tout donné. Mais voilà, ça, rien ne nous empêche de penser aussi que ces Formule 1 peuvent cacher beaucoup de voilà, disparités en termes de performance entre les équipes. Donc pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas effectivement si à la fin des essais de Bahreïn la semaine prochaine, on sera dans un écart type de 2 secondes ou si on sera dans un écart type de 4 secondes, 5 secondes. Voilà, on sait toujours que Bahreïn, à la fin des essais de Bahreïn, même si tout le monde dit qu'il ne faut jamais tirer des conclusions des essais, tout ça, voilà, on a quand même vu que sur les derniers essais hivernaux des dernières années, la hiérarchie de Bahreïn est quand même assez représentative en général de ce qu'on a au premier Grand Prix. Il faut pas non plus dire, il faut pas tirer d'enseignement. On pourra en tirer, voilà. Le seul enseignement qu'on pourra tirer, effectivement, c'est de savoir quel sera plus ou moins l'écart entre la première et la dernière monoplace, et voir où après où tout le monde se situe là-dedans. Pour l'instant, tout ce qu'on voit, nous, c'est que la Williams a tourné à 3 secondes de la Mercedes, mais Williams n'était effectivement pas encore en mode performance, clairement. Donc, c'est compliqué pour l'instant de le dire, mais en tout cas, 422 tours, oui, je pense qu'ils vont pouvoir commencer un peu à lâcher les chevaux et à lâcher les, voilà, à lâcher les pilotes sur leur en mode perf. Clairement, mais c'était pas le but pour eux, en tout cas, cette première semaine-là. Les autres l'ont fait, plus ou moins, parce qu'ils avaient déjà roulé à Barcelone, mais eux l'ont pas encore fait. Voilà. Après, là où ça va être compliqué de jauger qui est où, c'est qu'en plus, on a publié cet après-midi la liste des composés de pneus. Que pendant les équipes à Bahreïn, et en fait on a des équipes qui ont choisi les trois plus durs, d'autres qui ont choisi les trois plus tendres, donc ça va être compliqué de définir précisément qui est où, hein. Ouais. Après bon, effectivement il y aura quand même il y a aussi la possibilité que les voitures ont de gagner du temps, on l'a vu notamment sur la première semaine des monoplaces qui des fois gagnaient une à deux secondes comme ça du jour pendant une journée, ça peut être un petit peu rassurant. Dans les classements des équipes en termes de roulage, et ben McLaren a fait autant de tours que Williams, On est à 422 tours pour Norris et Piastri en cumulé, donc pareil, à 2280. On saluera le Manu qui ne commence donc pas par McLaren et a commencé par Williams, c'est quand même sympa. Ouais, je me suis dit que j'allais commencer par ceux qui avaient quand même un peu impressionné, parce que voilà, moi je m'attendais à ce que ce soit compliqué pour Williams, qu'il y ait au moins un problème et tout. En fait, la voiture a très très bien roulé. McLaren qui, du coup, par contre, forcément, a bien enchaîné après des essais de Barcelone qui étaient un petit peu timoré en termes de roulage, mais qui était quand même correct. Là, on est sur trois grosses journées, 422 tours également, donc 2284 km. Et je serais tenté de dire quelque chose d'un peu rassurant après les quelques petits couacs qu'on avait vus à Barcelone, Alex. Bah, c'est ça, moi j'étais plutôt déçu par ce qu'ils avaient montré à Barcelone. Et là, ils se sont rattrapés. Alors, est-ce qu'ils ont beaucoup roulé parce qu'ils avaient beaucoup de retard? C'est aussi notre explication. Discours donc à la fois rassurant sur le roulage de ses essais, il se voit, mais à peu près comme toutes les équipes de pointe, comme la quatrième force, on pourra en reparler. Voilà, donc on est toujours un peu dans le jeu des chats à la souris, on se doute qu'ils seront pas très loin. Reste à voir évidemment l'intégration du moteur dans cette nouvelle McLaren. Alors, en tout cas, c'était plutôt rassurant après une déception. En tout cas, c'est très intéressant de voir comme ça les hiérarchies un peu évoluer de semaine en semaine. Et je pense qu'elles vont, en fait, elles vont évoluer de Grand Prix en Grand Prix. C'est ça qui va être génial. La hiérarchie de Melbourne ne sera pas celle de Bahreïn, etc. Et c'est aussi le cas pour McLaren. On peut aussi noter deux discours très différents, très divergents sur les deux pilotes. Piastri, à l'image de Verstappen ou Hamilton, et on pourra en reparler aussi, est déjà un peu saoulé par ce nouveau règlement, tandis que Norris, lui, il a eu un discours beaucoup plus optimiste. Donc là aussi, c'est intéressant à noter. Alors, encore une fois, ça ne préjuge pas forcément de quelle voiture conviendra à mieux à quel pilote, mais peut-être que Norris semblait un peu plus à l'aise sur cette McLaren avec ses F1 en pilotage si différents à Bahreïn. Donc, encore une fois, tout est à confirmer, tout est encore très nébuleux, mais encore, voilà, des discours évolutifs, des discours changeants. Chez McLaren, ça évolue beaucoup d'une semaine à l'autre, et je pense que ça veut dire qu'on aura aussi beaucoup de nouvelles choses à dire lundi prochain. C'est vrai, hein, d'autant que les voitures vont forcément évoluer cette semaine. Alors chez McLaren, peut-être pas trop, parce qu'eux, ils avaient prévenu d'entrée qu'ils n'amèneraient pas des gros packages d'évolution dans les premiers essais, mais effectivement, ça peut, chez les autres équipes, il y aura des nouveautés. Toi, Franck, est-ce que tu penses quand même qu'ils ont joué le bluff là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir quelques petites évolutions chez McLaren, ou est-ce que tu crois sur parole les dires de Zach Brown et Andrea Stella? Il y aura forcément, à mon avis, des choses corrigées. Je pense pas qu'on puisse dire on va à Barcelone et à Bahreïn avec ce package-là et on attend un petit peu le début de saison pour voir comment on est fait évoluer. Je pense qu'il y aura forcément des choses qui seront... Alors, à moins qu'ils aient visé juste tout de suite, hein, qu'ils ne voient pas de grosses modifications à faire sur leur package, mais je les vois quand même faire évoluer peut-être leurs ailerons, peut-être certains mécanismes, voilà, mais... C'est vrai que là, on est peut-être plus pour l'instant sur le côté intégration du moteur, intégration du refroidissement. On est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur les roulages en termes de compréhension de tout ce qui est gestion de l'énergie et de la recharge. Hein. Il y a tellement à gagner. C'est là-dessus que les pilotes McLaren ont vraiment insisté. C'est que, en fait, il y a tellement à gagner sur comment on gère les entrées, les sorties de virage. Les freinages, voilà, tout ce que notamment a réussi à montrer Verstappen dès le début, parce que c'est grâce ou à cause de lui qu'on en parle aujourd'hui, c'est effectivement des rétrogradages extrêmement violents. Hein, c'est pour ceux qui roulent une voiture. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont le permis dans le chat. Voilà, quand vous passez la première, c'est quand même, en général, vous êtes déjà à l'arrêt pour repartir. Là, maintenant, on parle de passer la première vitesse sur des virages qu'on passait en deuxième, voire en troisième, parce que le but, c'est de faire remonter le moteur très très haut dans les tours pour recharger le maximum d'énergie. Et quand vous faites ça, forcément, vous emballez le moteur, vous risquez de bloquer la boîte, vous risquez de bloquer pas mal de choses. Et c'est un pilotage beaucoup plus délicat. Mais c'est ça qui permet aujourd'hui de recharger le plus d'énergie. Sans avoir à trop faire de lift and coast, donc c'est relâcher l'accélérateur, de se mettre au point mort aussi, voilà, dans les lignes droites, ce genre de choses. Donc voilà, là, il faut essayer de recharger l'énergie vide là où ça le coûte le moins, et clairement, ce genre de méthode, c'est pour l'instant, c'est ce qui fait gagner le plus de temps. Donc c'est là, je pense que chez Mercedes, on sent qu'on est un petit peu en retard sur les logiciels, en tout cas sur la compréhension de la recharge d'énergie que ce qu'a Red Bull le Ford. Red Bull Ford n'a peut-être pas le meilleur moteur, ils ont peut-être juste la meilleure stratégie de récupération d'énergie pour l'instant. C'est ça en fait qui est assez excitant, je trouve, dans cette phase de la F1, c'est que on parle pas de performance moteur pure, on parle de voitures qui sont toutes capable de prendre 350 km/h en ligne droite, là où avant on en prenait 320. Ils se sont tous amusés à faire ça. Maintenant, le but, effectivement, c'est pas de prendre 350 km/h, parce que peut-être je digresse un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'on en parle à un moment ou un autre de cette gestion de l'énergie. Mais tout le monde, effectivement, commence un peu à critiquer sur la Formule 1 parce que voilà, ils ont peut-être de l'énergie que pour une seule ligne droite, et ensuite, le reste du tour, où ils se traînent, où ils sont en train d'essayer de recharger au maximum. Oui, mais pour l'instant, ils essaient surtout beaucoup de phases de récupération, voir là où ça marche le mieux, dans les virages, dans les freinages. Et il est absolument hors de question de voir les pilotes de F1 prendre 350 km/h en ligne droite tout le temps. Ils le font peut-être une fois en qualification parce que sur ce coup-là, ça vaudra le coup. Mais voilà, le but de ces packages d'énergie, c'est effectivement d'avoir peut-être nous ces 320-330 km/h qu'on avait avant, mais mieux répartis sur l'ensemble d'un tour. Mais comme vous pouvez vous amuser à faire autrement, c'est ça qui prouvait d'être assez intéressant. Voilà, s'il y en a un pilote qui avait décidé de prendre 350 km/h un moment en course et que les autres sont à 320-330, eh ben autant vous dire qu'il en profitera, il passera. Après, derrière, il jouera peut-être le bouchon derrière et ça risque d'être très, très, très, très, très amusant. C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans la phase critique pour l'instant. Je suis plus dans la phase excitation. Ouais, je pense que sur un circuit comme Bakou, par exemple, où il y a une énorme ligne droite et après beaucoup de virages serrés et beaucoup de gros freinages, ça peut être énorme en termes de stratégie de pilotage. Et effectivement, là, actuellement, il ne faut pas oublier que les voitures doivent calibrer aussi la récupération, doivent comprendre jusqu'où les voitures peuvent aller en termes de récupération et doivent aussi travailler sur les automatisations, parce qu'il y aura des automatisations de récupération d'énergie pour justement alléger un peu la tâche du pilote en termes de stratégie aussi. Donc forcément, il faut apprendre tout ça, il faut comprendre tout ça et il faut aussi nourrir les logiciels, nourrir donc... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont testées aujourd'hui et qui seront sûrement plus d'actualité quand on arrivera sur les Grands Prix. Et voilà, et encore une fois, les premières courses risquent d'être chaotiques. Parce que honnêtement, je pense que, en plus sur les premiers circuits, on a quand même Jeddah où il y a très peu de gros freinage. On a quand même la Chine où il y a beaucoup de lignes droites. Donc forcément, il y aura des choses qui vont mal se passer là-dessus. Il y aura sûrement des surprises et des choses qui seront un peu bizarres peut-être à voir. Mais... Il faudra qu'on parle des départs après. Mais c'est vrai que dans tous les cas, ce sont des équipes de Formule 1 et elles vont trouver des solutions. Il y a toujours eu, à tous les changements de réglementation, il y a toujours eu des gens qui étaient très alarmistes sur des choses qui n'allaient pas bien se passer, qui allaient mal tourner, tout ça. Au final, on a souvent des débuts de réglementation un peu chaotiques parfois, et puis en fait, tout se corrige. Donc. Rappelez-vous du marsouinage sur les dernières réglementations où tout le monde disait mais on peut pas tenir 4 ans comme ça. Au bout de 6 mois, en fait, c'était plus un problème. Donc voilà, il faut relativiser le fiasco que certains annoncent parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très alarmistes sur le spectacle, sur là. Et puis il y a des jeux politiques derrière hein, sur les départs. On peut peut-être parler. On peut enchaîner sur les départs maintenant. Ou alors on pourra parler, je sais pas, sur Ferrari, mais c'est Ferrari qui est contre les changements apportés au départ parce qu'apparemment ils auraient trouvé le tweet. Pas ça, Ferrari. Ils avaient anticipé, la transition est parfaite, ils avaient anticipé les problèmes hein, de mettre le turbo sous le bon régime, donc ça prend 10 secondes, et donc ils avaient anticipé ce problème-là en développant leur unité de puissance autour de ce problème, et forcément c'est des seuls qui ne veulent pas faire des changements en urgence, comme le dit McLaren, donc évidemment ces problèmes-là, ils sont exagérés, probablement par ceux qui veulent en tirer un profit politique. Il faut se souvenir qu'avant de partir de chez Red Bull, Horner disait que ce moteur allait être une catastrophe, que les voitures allaient être à 200 km/h en fin de ligne droite. Voilà, donc ça, c'est des discours qui ont toujours existé. Il y a peut-être des problèmes réels qui existent. Moi, j'espère que la F1 ne va pas surréagir en paniquant au bout du premier Grand Prix. On sait que c'est des moteurs qui vont de toute façon très vite évoluer. En tout cas, ça pose beaucoup de questions, des bonnes, des mauvaises. Moi, l'enthousiasme a quand même été un peu refroidi par tous les commentaires autour de, notamment de Verstappen, mais même de Leclerc, hein, finalement. Donc voilà, on a Alonso tous hâte aussi. De voir ce que... Alonso, il a d'autres raisons. Oui, il a quand même attaqué les voitures. Mais en tout cas, on a tous une hâte, c'est de voir ce que ça donne, et puis on jugera aussi sur pièce et sur plusieurs grands. Oui, bon, ce qui va être bien, du coup, c'est pour les spectateurs qui sont sur dans les tribunes face aux lignes de départ de voir 22 F1 avec le régime hurlant. Ça leur rappellera le bon vieux temps des V8 et des V10 Ouais. hein, qui étaient calés à 6 000 ou 7 000 tours au moment des départs. Là, ils auront vraiment leur bruit, quoi. Bon, après, c'est pas un super bruit, hein, soyons clairs, c'est pas très joli. Mais oui, comme tu l'as dit, Alex, effectivement, Ferrari avait anticipé ça. Frédéric Vasseur avait même mis le sujet sur la table à la commission F1, je crois qu'il a dit que c'était l'an dernier. Personne ne l'a écouté. Bah écoutez, voilà, si c'est comme ça, bah, écoutez, il n'y a pas de raison qu'eux changent. Voilà. Bon, après, il y a plusieurs sujets hein, qui vont se chevaucher. Il y a ça, le taux de compression de Mercedes, donc ça va beaucoup négocier, hein, clairement. Il y a une réunion de la commission F1 qui a lieu mercredi. Je pense qu'on saura peut-être un peu plus à la sortie de savoir ce qui va être décidé. Mais bon, vous voyez, ces moteurs turbo, effectivement, ils doivent être mis en sur-régime pour pouvoir effectivement éviter le turbo lag. Donc, c'est voilà, la réponse du turbo à l'accélération pour qu'on ait le meilleur départ possible. Donc, peut-être qu'après, la FIA pourra légiférer aussi, hein, pourra dire que ça peut être fait que pendant 5 secondes et tout le monde fera que 5 secondes de régime turbo. Et si tout le monde est à la même enseigne, ben voilà, les voitures décolleront peut-être un poil moins vite, ça se verra pas du tout à la télé ou autre chose. On n'aura pas cette phase de 10 secondes, voilà, mais je suis pas sûr que Ferrari accepte quand même. Hein. Si Ferrari a réussi à faire quelque chose de plus sympathique de ce côté-là, je pense pas qu'ils accepteront. Maintenant, pour Ouais. le peu d'essais de départ que j'ai vu de Hamilton, il met bien 10 secondes à chaque fois quand même aussi pour te mettre Oui, sur le voilà. temps. Donc bon, je suis pas sûr qu'ils aient un Peut-être tel avantage, ouais. Ouais, je que pense. Ferrari acceptera en échange d'une réglementation sur les taux de compression contre Mercedes, j'en sais rien. Mais effectivement, à l'image, Hamilton mettait autant de temps. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Ça va. Alors peut-être qu'il faisait exprès, justement. Enfin voilà, il y a des Oui, politiques. Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il va falloir se mettre quand même au clair, parce que après, si les autres ont des problèmes, il faut prévoir éventuellement des potentiels dangers de voitures qui partiraient mal. Après, encore une fois, hein, c'est. Tant mieux, moi j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est ça. Hein. Après, les pilotes savent ce qu'il en Ça est. pose, ouais. Ça pose des problèmes de sécurité, hein, si c'est vraiment le cas. Hein. Ils sont payés pour ça, hein. Non, non, mais après, il faut voir aussi à quel point il y a des problèmes de sécurité. Parce que, encore une fois, il y a peut-être juste un désavantage des autres équipes, enfin, des autres moteurs sur Ferrari, et au final, ou des autres équipes, et au final, il n'y a peut-être pas grand-chose de différence sur la Le manière dont les voitures s'élancent. seul problème de sécurité qui se pose vraiment, c'est les cas des dernières monoplaces qui vont se mettre sur la grille. Où là, forcément, on n'a pas Oui. forcément les 10 secondes. Voilà. Sinon, les autres, je suis désolé, elles ont toutes les 10 secondes hein, pour le faire. Donc, le seul problème, c'est quand est-ce que vous démarrez le sur-régime? Parce que les autres voitures qui se mettent au fond de grille, des fois, elles prennent leur temps aussi. Donc, c'est-à-dire que si les premières F1, elles mettent 20 secondes en sur-régime parce que les autres F1, les dernières, sont pas encore calées derrière en fond de grille, c'est là où c'est problématique, en fait. C'est à quel moment on lance ces 10 secondes Et là, effectivement, bah, vous ne maîtrisez pas le rythme des voitures qui se mettent en 21e et 22e position. Là, c'est peut-être là, mon avis, le seul souci, la seule chose à clarifier, peut-être lors de la commission F1. Mais voilà, que tout le monde ait un temps suffisant pour le faire, ça, on est d'accord. Mais surtout que les premières voitures n'aient pas à mettre 30 secondes de régime à fond parce que les dernières voitures mettent trop de temps à se mettre en grille, quoi. Ça, c'est juste là, effectivement, où je vois un petit souci. Ouais. Voilà. Après, encore une fois, là, pour le coup, c'est aussi se dire, voilà, on sait à peu près, enfin, je pense qu'à 2-3 secondes près, on sait exactement combien de temps les dernières F1 mettent à se mettre sur la grille. Parce qu'au final, on voit, enfin, je pense qu'ils peuvent tous reprendre des images des saisons précédentes et voir sur les circuits combien de temps ça met à former la grille. En sachant qu'il y a deux voitures de plus cette année, mais c'est tout, quoi. Sinon, on met un signal, effectivement, quand je lis dans le chat, on mettrait un signal quand la dernière voiture se met sur la grille. Et vous avez 10 secondes pour commencer à lancer vos moteurs, et après le départ se fait entre la première seconde et la quatrième ou la cinquième, quoi, comme ça se fait d'habitude. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire aussi. Mais bon, là, du coup, c'est histoire de commun accord aussi. Hein. Voilà, si Ferrari n'est pas d'accord, il n'y a pas de raison de céder, quoi. Vrai que cette réglementation amène déjà beaucoup de politique. Hein. Là, on peut pas nier. Ça. Mais bon, on s'y attendait un peu aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est ça. Et c'est pas exclu qu'il n'y ait pas d'autres choses qui arrivent plus tard dans la saison. Donc on est passé à Ferrari, parce que Ferrari a quand même fait 421 tours, soit 2278 km. Très déçu, très très déçu. Un tour de moins que McLaren et Williams. Bah, la La saison est saison pliée, hein. est pliée déjà. Ouais, McLaren est déjà devant, que veux-tu. Mais Non, Ferrari. Non, je vais commencer sur Ferrari parce que vas-y, vas-y. Ferrari, c'était franchement, je suis hyper rassuré comme beaucoup par le déroulement de l'intersaison de Ferrari. C'était en termes de fiabilité surtout, hein, parce que ils ont roulé avec le même moteur. Dans la Ferrari, parce que je parle de la Ferrari, même s'il y avait deux pilotes, c'est toujours la même voiture pour l'instant qui a roulé. C'est le même moteur qui a tourné, qui a fait les 3 jours à Barcelone et qui a fait les 3 jours au Bahreïn. Il n'y a aucun souci, il n'y a eu aucun souci chez Haas non plus. Il n'y a eu aucun souci chez Cadillac en termes de moteur. Ils ont tous fait tous les essais avec un seul moteur. Donc en termes de fiabilité, c'est quand même plutôt bien. Oui. Après, ce n'est pas des moteurs qui sont hyper sollicités. Hein. V6 et 1.6 turbo qui sort 450 chevaux, honnêtement, c'est pas la gloire non plus, hein, soyons clairs. Mais c'est hyper rassurant de ce côté-là. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est ce que les chronos montrent pas vraiment, même s'ils font les troisième et quatrième chronos derrière les Mercedes. C'est surtout les relais en course, les relais de course qui sont vraiment très très très bons. Et là, les relais de course, maintenant, c'est plus tellement le problème des pneumatiques, c'est vraiment comment vous réussissez à déployer votre énergie le mieux possible. Et là où effectivement Red Bull avait bien surpris à Barcelone là-dessus. Ferrari a un petit peu redressé la barre à Bahreïn et montré qu'effectivement en termes de déploiement et de relais de course, c'est du niveau de la Red Bull Ford, voire un peu mieux. Donc ça veut dire qu'effectivement ils sont et devant McLaren pour le coup, ça c'est vrai. Devant McLaren, Mercedes c'est un peu compliqué à juger parce qu'ils ont eu beaucoup de soucis de fiabilité, mais effectivement les relais des deux pilotes Ferrari ont été vraiment très bons, très constants. Il montre déjà, je pense, une meilleure maîtrise du déploiement de l'énergie sur une longueur de course que chez McLaren ou chez Mercedes. Ouais, c'est vrai qu'on a eu des bons rythmes sur les longs relais. Après, à voir à quel point ce sera faisable sur d'autres circuits. Il y a pas mal de. Bahreïn est quand même un circuit assez complexe, mais au moins les équipes qui arrivent déjà à faire des bons chronos là, sur ce circuit. Puis il y a aussi quand même la dégradation des gommes qui va rentrer en compte, notamment parce que Pirelli, et ça aussi on l'a publié aujourd'hui, a quand même pas mal de choses à calculer sur ses pneus pour en termes de d'usure, parce que c'est plus linéaire comme avant les forces que les pneus subissent, donc l'usure des pneus va être aussi quelque chose à vérifier quand même. Et après c'est vrai que les relais étaient trop courts pour que ça joue vraiment. Et effectivement, les deux pilotes Ferrari ont eu des commentaires quand même globalement positifs. Alors pas forcément sur la réglementation, hein, ça, on a vu un Hamilton un peu ronchon notamment, mais qui avait même plutôt virulent, qui a dit qu'il n'était pas très fan de ses voitures. Mais la base de départ en termes de performance a l'air bonne. Toi, Alex, qu'est-ce que tu as tiré un peu de cette semaine de Ferrari? Bah, effectivement, comme Franck, on peut être très rassuré sur la fiabilité. De toute évidence, ils seront dans le bon lot des top teams, sans trop de surprises aussi. Après, il y a quand même donc l'interrogation du point de vue de la performance, comment ils se situent par rapport à Mercedes et par rapport à Red Bull. Ça, c'est le grand jeu. Il n'y a aucune réponse qu'on peut apporter pour le moment, peut-être plus positive du côté de Leclerc que de Hamilton. Mais là encore, donc... En tout cas, voilà, c'est rassurant, mais sur la performance, on ne sait pas s'ils seront la première, s'ils seront la deuxième, s'ils seront la troisième, s'ils seront la quatrième équipe. Mais ils seront dans le bon wagon et c'est déjà au moins rassurant pour l'avenir à court terme de cette équipe. Mais là encore, hein, les voitures d'ici Melbourne, Bahreïn, elles vont beaucoup évoluer. On sait d'ailleurs que la Ferrari va beaucoup évoluer. Les évolutions ont été approuvées par la FIA dès ce mercredi à Bahreïn. Donc, faudra scruter de près les nombreuses et belles photos qu'on a sur le site parce qu'on verra peut-être et sûrement de nouvelles pièces intéressantes sur cette Ferrari. Après, ce qui est bien, c'est que la Ferrari, même si elle se qualifie 7e et 8e avec son avantage sur les départs, ça prend la tête au premier virage. De toute façon, Renault des années 2000. C'est ça. Même en dernière ligne. Hein. Ouais, c'est ça. Le temps que les autres partent, ils seront déjà revenus à l'avant de la grille. Alors, il y a. Samedi soir, on appellera la démission de Vassar. Le dimanche, c'est la béatification. Et après, ils signeront un accord secret avec la FIA. Et... Évidemment. Ça finit toujours comme ça. Toujours. Guigui nous demandait, avez-vous parlé des critiques de Lewis? C'est vrai qu'on a dit que Lewis Hamilton avait été assez virulent en termes au sujet des nouvelles voitures. On a vu aussi que Max Verstappen l'a été, Fernando Alonso, en plus de d'autres problèmes, l'a aussi été. Moi, j'avais une petite question qui était, comment vous expliquer, parce qu'on a vu quand même globalement des commentaires positifs après Barcelone, où les pilotes disaient souvent, voilà, ça va remettre le pilotage au centre de l'exploitation des voitures, le pilote a plus d'importance, etc. Et là, on est passé de ça à le pilote va trop devoir gérer et ça va pas être très sympa. Donc, comment on explique qu'en 3 jours de roulage, on ait changé à ce point-là de... Parce que c'est pas le même circuit, c'est pas du tout le même, c'est pas même, pas du tout la même caractéristique énergétique entre Barcelone et Bahreïn. Bahreïn, tu as beaucoup plus d'effectivement de freinage, zone de récupération d'énergie. Barcelone, il n'y a pas toute cette partie-là. Donc du coup, effectivement, ce côté première vitesse, notamment qu'expliquait Verstappen, qui a ces rétrogradages violents, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu à Barcelone. Barcelone, à part la dernière chicane avant la ligne droite, c'est quelque chose qu'on. Bah, la première vitesse, là, pour le coup, il n'y a aucun intérêt nulle part à la passer. Elle est beaucoup trop courte. Et donc, forcément, là, sur ce circuit de Bahreïn, c'est quand même plus du stop and go. Je ne parle même pas de circuit style Canada ou autre. Mais là, du coup, effectivement, à mon avis, un pilotage un peu plus heurté, du coup. Et qui. Voilà, ils ont. Peut-être, je pense que Red Bull a effectivement montré une voie à Barcelone sur ce côté-là. Sur le mercredi, Verstappen a aussi montré une autre voie avec cette recharge d'énergie vraiment très agressive sur les freinages, qui a été très vite copiée. Hein. Dès le jeudi et le vendredi, ça a été adopté par beaucoup d'équipes pour voir effectivement comment ça se passait. Il y a notamment Jack Doohan qui a passé beaucoup de temps avec nos confrères de The Race en bord de piste. Ils ont sorti un article ce soir qui est hyper intéressant pour ceux qui lisent l'anglais et qui connaissent le site. Voilà, et donc c'est très très très long article sur c'est les constatations en bord de piste. Oui. Et effectivement, c'est vraiment un tout autre style de pilotage. Pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le mieux pour recharger de l'énergie sans perdre trop de temps, quoi. C'est-à-dire sans faire trop de roues libres sur les lignes droites, sans freiner ou alors commencer à freiner trop tôt. Et donc forcément, c'est ce que dit en fait Hamilton et Verstappen, c'est que on n'est plus sur de la performance pure, on est sur un mode gestion de l'énergie. J'ai envie de dire oui, c'est un peu décevant, mais alors si vous voulez des Formule 1 qui soient les plus rapides possibles, où c'est franchement accélération, fond, sortie de virage et freinage le plus tard possible, on a connu, mais on sait aussi très bien les types de courses que ça donne. Ça dépasse pas, il y a de l'aéro, on peut pas se suivre, et voilà. Là, vous introduisez un autre paramètre totalement inédit en jeu, qui mérite à mon avis totalement sa chance, et qui surtout est géré par le pilote. Vous avez une possibilité maintenant d'avoir un temps de cerveau entre guillemets du pilote disponible pour de la stratégie d'utilisation de son énergie sur un tour. Certains diront que c'est un peu de la formule sur stéroïdes, c'est ce que dit Verstappen. Je lui donne pas totalement tort sur l'analyse, mais si on veut des courses et du spectacle un peu intéressant en Formule 1, sans aller jusqu'à du Mario Kart avec des boosts et ce genre de trucs. Je suis désolé, on n'a pas trop le choix. On sait très bien que la Formule 1 avec l'aéro qu'on avait, ça pouvait pas marcher, parce que tout le monde freinait au même endroit, tout le monde passait à peu près les virages à la même vitesse à un demi-kilomètre heure près, et ça faisait des processions. Là, vous avez la possibilité en plus de pouvoir bien gérer. Après, si vous donnez trop d'énergie au pilote avec cette réglementation-là, bah à ce moment-là, bah, tout le monde pareil, tout le monde fait les mêmes tours, tout le monde recharge de la même façon, et au final, pareil, vous n'aurez pas la même chose. Ce qui est intéressant dans l'article, dans cet article donc, de Doohan sur The Race, où il analyse l'aéroactive. Alors d'abord, Doohan, c'est un champion de l'aéroactive, puisqu'il prend le premier virage à Suzuka avec le DRS. Donc lui, ça le connaît. Mais en fait, il dit que le moteur Ferrari n'a pas trop besoin, notamment, d'utiliser cette technique très vue chez la Red Bull, qui est le rétrogradage en première vitesse, pour faire monter les tours régimes et donc récupérer plus de batterie. C'est la Red Bull qui est vraiment la championne de ça. La Ferrari ne le fait pas, mais apparemment, parce que les moteurs Ferrari, puisque là, ces Cadillac ne le font plus non plus, n'auraient pas besoin de cet aspect-là. Donc Red Bull y arrive très bien, rétrograde en première vitesse. Verstappen a dit, voilà, c'est la technique Verstappen, hein, il n'aime pas ça, mais apparemment, il est déjà champion de ça et ça marche très bien. Racing Bulls, ils le font aussi, mais apparemment, la Racing Bull serait beaucoup plus instable. Audi aussi ferait ça, mais elle serait instable. Mercedes McLaren, c'est plutôt mitigé, avec aussi un rétrogradage qui causerait de l'instabilité. Donc en fait, on aurait trois groupes. Ceux qui maîtrisent le rétrogradage, il y aurait Red Bull, tout seul. Ensuite, ceux qui le font, mais qui ne maîtrisent pas trop, tous les moteurs, enfin, toutes les voitures qui ne sont pas moteurs Ferrari, sauf Red Bull, et ensuite Ferrari, qui aurait une tactique différente. En fait, on a, a priori, beaucoup de solutions différentes. Ça va être très intéressant à voir. On y reviendra après, mais il y a aussi Aston Martin qui ne le fait pas parce qu'apparemment la voiture l'encaisse pas. Mais... non, et comme c'est dit dans le chat d'ailleurs, dans la Formule 1 d'avant, il y a eu beaucoup de gestion. Hein, gestion bien sûr. C'est ce que Martin Brundle avait dit dans les années 80, quand il y avait les moteurs turbo-essence qui consommaient à mort, il fallait gérer aussi quand est-ce qu'on mettait le boost pour passer, quand est-ce qu'on devait gérer sa consommation d'essence. Et c'était un élément stratégique qui était vraiment à la main du pilote. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut pas voir des voitures pilotées par les stratégies des stands, quoi. Même s'il y en aura forcément toujours un petit peu. Mais là, si le pilote, il se dit, bon, allez, je vais mettre un petit coup de boost là aujourd'hui, là maintenant, parce que même si mon stand me dit de pas le faire, j'ai envie de passer le pilote devant moi qui me ralentit, voilà. Ben, je le tente, voilà, quitte à après faire le bouchon pour 3-4 virages, et puis j'essaie de m'en défaire. Et ça peut donner des trucs super intéressants. Donc, pour ça, je veux pas condamner personne ne veut condamner cette réglementation avant l'heure. Mais j'ai quand même une inquiétude, c'est pour expliquer tout ça aux téléspectateurs lambda, entre guillemets, à une époque. Oh, ils sont surinés aux jeux vidéo, t'inquiète pas, les Mario Kart, ce genre de choses, ils connaissent bien. Donc, quand on leur expliquera le mode boost, les machins comme ça, ça leur parlera tout de suite. Après, je pense qu'il y aura, la possibilité pour ceux qui veulent s'y intéresser de se plonger là-dedans, et je pense qu'il y aura aussi quand même une possibilité d'ignorer un peu ça. Comme on avait vu à l'époque avec les jauges de RS et tout ça. Oui, il y aura des graphiques à l'écran. Oui, il y aura des graphiques pour les gens qui veulent suivre. Après, si les gens veulent un peu passer outre ça et juste regarder ce qui se passe en piste, ils pourront le faire aussi. Moi, je suis pas inquiet là-dessus parce qu'au final, la F1 a toujours su, et spécialement dans les dernières années, depuis que les voitures sont devenues encore plus complexes, nous donner des infographies qui donnaient tout pour ceux qui le voulaient et qui en donnaient moins pour les autres. Donc, je pense que ce sera comme avant. Après, c'est sûr que pour ceux qui veulent le comprendre, mais pour qui il faudra vulgariser, là, ça va être un peu compliqué parce que malgré tout, il y a beaucoup de techniques qui rentrent en compte. Mais ça, après, c'est aussi à nous et puis aux chaînes diffuseurs, aux diffuseurs de le faire. Mais voilà, après, je pense que c'est pas sorcier non plus à expliquer. Même Mario Kart l'a déjà su en faire. Et oui. je suis pas spécialiste de Mario Kart, mais bon, c'est le premier jeu qui me vient forcément à l'esprit. Bah, se mettre en fond de peloton pour avoir la coquille bleue, déjà, c'est la base. Tu m'apprends un truc parce que ça fait des années que j'ai pas joué à ce jeu. Après, on a eu Michael Massey. Hein, la coquille bleue, c'est Alpine, du coup. c'est le moment où on parle d'Abu Dhabi 2021, du coup. On peut, hein, moi, je suis toujours. Qui c'est qui a ramassé la carte à Michael Massey? C'était Red Bull, c'est ça? Non, mais voilà, c'est vrai que bon, je pense que ça va être un peu complexe, mais après, c'est moi, je suis enfin, ça me fait vite se normaliser, je pense, aussi entre les équipes. Voilà, et encore une fois, comme tu le dis, il n'y a pas le choix si on veut que les voitures se dépassent, etc. La seule autre solution, ce serait de ne pas mettre d'appui et de mettre moins de performance. Mais si on fait des F1 qui font 10 secondes plus lentement, les gens vont gueuler. Donc, de toute façon, ça gueule parce qu'elles sont 4 secondes plus lentes. Alors que ça se voit pas. Et puis, déjà, un, ça se voit pas à l'œil nu. Et deux, arrêtez, on est en début de réglementation. C'est normal que ce soit plus lent. Heureusement que c'est plus lent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on gagne à peu près une seconde par an en moyenne. Enfin, en tout cas, sur la dernière réglementation. Ils font ça avec 70 kg d'essence au lieu de 110. Hein. Je le rappelle, hein. Ils ont 70 kg d'essence au lieu de 110 quand même. Donc. C'est quand même une prouesse. Hein. Moi qui fais du circuit avec ma voiture, 70 kg d'essence, enfin 70 d'essence, je le fais en deux sessions de 10 tours. Hein, donc. et je tourne pas en 1:30 hein, sur les circuits. Donc, je salue encore plus la prouesse. Quoi. Ah, c'est clair. Voilà, en tout cas, donc pour Ferrari, c'est quand même globalement plutôt positif. Après, on reviendra sur un peu d'autres sujets. On pose la question du carburant pour Ferrari. C'est pas décidé, mais je crois qu'eux ne sont pas partis sur des synthétiques, ils sont partis sur du biocarburant a priori avec Shell. Donc il y a deux pistes possibles. Shell a priori a fait de la récupération de biomasse. Hein, ouais, c'est ça, ouais. Ils sont plutôt là-dessus, effectivement. Ils ne sont pas sur le synthétique. Non. Donc pas de captation de CO2, mais plutôt de la biomasse. Bah, pourquoi pas hein, après c'est... On va voir, hein, ça. Ouais. Ça marche. Quelle est la technologie la plus prometteuse au bout d'un moment, ils le sauront. Je pense que tout ça c'est calculé aussi, mais bon. Bien sûr. C'est sûr et certain. On va continuer avec une voiture qui roule à moteur Ferrari, puisque c'est la Haas qui a fait 390 tours. Donc évidemment, 2110 km, presque 111. Là encore une fois, on est sur une équipe qui. Alors on est sur une équipe qui n'est pas un top team, donc c'est vrai que forcément, on peut attendre un peu plus de problèmes ou de choses à régler. Et chez As, il faut dire ce qu'il y a depuis Barcelone, c'est hyper impressionnant parce qu'il n'y a pas une journée où ça roule pas. Il y avait une journée, la première, je crois, où ils avaient eu un petit souci. Mais deuxième, pardon. Mmh. Mais depuis, c'est énormément de tours tous les jours, du plaisir au volant. Ocon est un des plus positifs au sujet des nouvelles voitures. Pour le coup, lui adore ces voitures-là. Il a dit qu'il a pris beaucoup de plaisir au volant. Berman a l'air de s'en sortir très bien aussi. Et globalement, ils ont dit qu'ils allaient avoir des évolutions pour la deuxième semaine. Alors là, c'est pareil. Hein, on se rend pas compte, mais chez As, avoir des évolutions en février, c'est à une époque, c'était même impensable d'en avoir sur l'année. Donc voilà. Et donc globalement, une très très bonne, enfin des signaux très positifs, Alex, pour cette équipe. Oui, d'abord, comme le dit Soubraid Nelliquette sur le chat, ça confirme que le moteur Ferrari est super fiable. En effet, c'est la bonne surprise du milieu de peloton. Hein. C'est l'équipe qui nous a peut-être le plus impressionné. Alors, la fiabilité, là, elle est au rendez-vous, aucun doute. On est rassuré pour Ocon. Comme toujours, il y a le point d'interrogation sur la performance pure. Mais bon, ils ont l'air plutôt d'être à l'avant du milieu de peloton, à confirmer, bien sûr. Donc, ça, c'est une équipe qui a l'air d'être en bonne santé, qui est bien gérée, et qu'il faut le rappeler qu'ils ont passé, c'est eux qui ont apporté les évolutions en deuxième moitié de saison le plus tard. Donc, on se disait, ils vont sacrifier leur voiture 2026. Bon, bah, pour le moment, ce qu'on voit, c'est rassurant. Voilà, modulo, donc, l'interrogation sur la performance pure. Ça, on ne sait pas. On est sur une saison, on va avoir beaucoup d'évolutions en cours d'année. L'année dernière, l'exception qui a confirmé la règle, qui était très bon sur les évolutions au cours d'année, alors que d'habitude avec Steiner c'était une catastrophe. Donc là voilà, tout ce qu'on voit c'est positif et ça confirme le bien qu'on pense de Komatsu, encore une fois à confirmer lorsque les lumières vertes s'allumeront. Exactement, c'est vrai que toi Franck, je sais pas ce que tu en as pensé, mais effectivement on voit immédiatement, alors ça fait déjà 2 ans hein, que As fait des hivers très studieux, on arrête de rouler un peu n'importe comment dans l'équipe, et là c'est vrai que sur une année un peu charnière où on repart à zéro avec des voitures voilà, que personne ne connaît, voir une équipe qui est quand même la plus petite du plateau, enfin qui était la plus petite jusqu'à l'an dernier, faire ça, ça reste quand même assez impressionnant globalement. Oui, et puis le fait de rouler, comme tu... c'est vrai que c'est l'an dernier, c'est Komatsu qui avait un peu introduit cette stratégie-là, parce que là, c'était pour le coup, c'était vraiment comprendre les pneus, parce qu'ils n'arrivaient jamais à tenir leurs pneus correctement en course, et donc Komatsu a dit... Maintenant, la stratégie Essai-Vierno, c'est on roule, et on gère les pneus Pirelli. Là, cette année, c'est pas les pneus qui sont en priorité numéro 1, même s'il faut quand même les comprendre. C'est effectivement rouler pour acquérir des données pour la voiture, acquérir des données pour Ferrari aussi, pour qu'ils améliorent leur cartographie, et améliorer effectivement tous les... Voilà, tout ce qui peut l'être après en termes de corrélation, en termes de développement à faire. Donc, comme l'a dit Alex, pour l'instant, en perf pure, on ne sait pas. On sait effectivement qu'ils sont dans le top 10 hein, des chronos de Bahreïn. C'est la seule chose voilà, factuelle qu'on peut dire. Voilà, ils ont été dans le top 10 des chronos, juste derrière les top teams. Et voilà, et le but est de rouler pour l'instant. Donc ça là, c'est rouler pour comprendre la voiture, rouler pour comprendre le moteur, rouler pour comprendre les cartographies, les logiciels et tous les systèmes. Et pour l'instant, c'est mission totalement remplie. Donc voilà. Et puis il y a des chronos qui sont pas dégueux, même si on peut pas vraiment les comparer. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont plutôt à l'avant. Voilà. Ça a l'air de rouler. Ouais, globalement, ils sont quand même dans le top 5 régulièrement. Et la voiture a l'air de rapidement arriver à des performances correctes. Donc ça, c'est pour l'instant. Elle est jolie. Ouais. Et elle est jolie, effectivement. On vous a publié dans le week-end le classement des livrées, hein, mais c'est vrai que là, c'était bien, bien noté parce que. On fera un petit mot sur les livrées à la fin, sur les après. Oui, parce que de toute façon, il y en a certaines qu'on n'avait pas vues la dernière fois qu'on a fait l'émission. Ouais. Donc, on en reparlera. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que, et comme le dit Hatchoum, on a une majorité d'ingénieurs en team principal et ça se ressent. Effectivement, on a vraiment des approches qui sont beaucoup plus pragmatiques qu'avant et beaucoup plus studieuses, globalement. Mais voilà, donc non, c'est vrai que As, moi je suis assez globalement positivement surpris. Et bon, après, à voir si tout ça se confirmera. Mais je serais pas étonné de les voir dans le peloton, mais plutôt vers le haut que vers le bas, pour au moins au début de saison. Reste à voir après s'il y aura des grosses évolutions, parce qu'ils en ont promis. Reste à voir si ce sera quelque chose de bien visible. La voiture elle est assez commune pour l'instant par rapport à d'autres qui sont un peu plus originales, on va dire. Mais ouais, c'est assez prometteur. Et puisqu'on parle de voitures plus originales, on va parler de l'Audi, puisque Audi déjà fait 354 tours, hein, donc ça c'est quand même assez important, parce que c'est les seuls à utiliser leur moteur. Il fallait rouler après un shakedown de Barcelone qui avait été un peu complexe pour eux, un peu compliqué. Ils n'avaient pas été épargnés par des petits soucis. Là, ça a globalement très bien roulé. 1915, quasiment 1916 km sur les 3 jours, avec une voiture qui est arrivée à Bahreïn, toute de nouveaux pontons vêtus, et puis avec une carrosserie entièrement revue et assez... assez différente du reste et des solutions assez tranchantes, Franck, par rapport à la... au reste oui. des voitures. Ah, c'est clair que quand on a vu sortir les pontons, façon... moi, ça me fait tout de suite penser au Jordan, de... Jordan Peugeot de 95 et 96, effectivement, avec ses entrées... bon, c'était un peu moins étroit quand même que ce qu'avait fait Jordan à l'époque, parce qu'il faut quand même refroidir, hein, c'est des moteurs turbo, donc ça monte quand même un peu plus en... en température et en, en besoin de refroidissement, mais c'est vrai que de revoir cette solution-là, effectivement, des pontons verticaux, c'est quand même assez, assez sympathique, je trouve. Donc voilà. Bon, après, je trouve pas ça forcément très très très joli, parce que c'est pas forcément la plus belle forme de ponton qu'on peut avoir sur ce genre de F1. Mais au moins, voilà, il y a, y a le petit, voilà, le petit côté un peu original de cette voiture qui, avant ça, me semblait extrêmement conservatrice, hein, soyons clairs. Mmh. Mais voilà, bon, c'était vraiment la version de lancement pour le coup, la version qui a fait un checkdown. Je parle vraiment du checkdown, pas de Barcelone, le checkdown d'avant à Barcelone aussi, mais c'était tout début janvier aussi, donc ils avaient vraiment lancé la voiture très très tôt. Même si Audi, c'est comme la base de Sauber, donc Sauber sait construire une monoplace, hein, ça fait 30 ans qu'ils en font un F1, donc personne n'a douté de ça, mais bon, c'est, je pense plus pour effectivement le valider un peu le côté moteur, donc voilà, c'est, rassurant, ouais. C'est une équipe qui a joué plus le côté rassurant sur le sur l'intégration moteur et pas se louper pour la première année que sur le côté bah, comme voilà comme Ferrari, comme Red Bull, comme d'autres, effectivement, d'aller le plus loin possible sur le développement aérodynamique avant de lancer la voiture en piste. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à voir de leur côté. Donc la voiture était prête ben, bien 15 jours avant, hein, quand même. Oui. Mais pas le pack aéro. Donc ça veut dire que bon, ils ont quand même déjà deux packs aéro dans les tuyaux. Donc bon, ça c'est quand même assez intéressant. Maintenant voilà. Je rappelle que Audi, c'est pas une toute nouvelle équipe comme Cadillac, ça reste quand même un Sauber derrière la base. Donc c'est pas non plus très étonnant que cette équipe ait réussi à faire ça. Et ça rassure un petit peu voilà, sur les ambitions, parce que bah voilà, comme tu l'as dit, la voiture est quand même plutôt bien tournée. Hein. C'est ils ont évidemment le seul moteur Audi c'est dans cette voiture là donc forcément ça limite un peu le kilométrage par rapport à d'autres, hein. il y a que Honda qui est dans la situation comparable en termes de voilà d'équipe unique en termes de motorisation, mais ça a tourné effectivement de manière plus fiable qu'à Barcelone, et ça a tourné dans des chronos qui n'étaient pas dégueux du tout, même si on le rappelle on ne sait pas du tout les conditions des chronos. Est-ce que les Audi ont commencé à titiller le chrono à ce moment-là? Effectivement, c'est peut-être pas forcément très rassurant. Si elles l'ont pas titillé, leur position, je crois que c'était 12e et 13e sur les 22, bah, c'est pas si mal que ça. C'est-à-dire que le moteur Audi, il est quand même pas si mal. Bon, en même temps, voilà, j'ai envie quand même de rappeler que ces moteurs, voilà, V6, L6, sortir 450 chevaux d'un côté en thermique, 450 chevaux en électrique, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Hein. Ce qui est compliqué, c'est de tenir effectivement le côté constance, le côté régularité, le côté fiabilité. On ne demande pas des performances extrêmes à ces moteurs. On n'est pas sur l'époque des V10 qui allait jusqu'à 20 000, 21 000 tours minute. Il fallait chercher les 10 derniers chevaux en allant gratter 500 tours minute à chaque fois. Et là, c'est extrêmement complexe. Là, on reste quand même sur des moteurs qui sont capables de sortir à peu près tous la même puissance sans trop de soucis. Le tout, c'est de le faire avec la meilleure efficience énergétique et la meilleure constance en termes de recharge d'énergie. Ouais. Moi je suis un peu plus sceptique toujours sur l'Audi. Le moteur à voir, et c'est une voiture qui semblait très instable, notamment à l'arrière. Donc c'est difficile de faire des paris, mais par rapport à As, moi je pense qu'ils sont plutôt derrière, plutôt au fond du milieu de grille que devant. Quoi. Un peu moins emballé, Bortoleto était quand même semblé en difficulté. Donc j'ai l'impression qu'ils sont en train encore de tâtonner. Ce qui est effectivement normal pour une équipe qui découvre un nouveau moteur qui a tellement de travail à faire. Voilà, peut-être un peu moins emballé, même si c'est vrai que le discours de Binotto, après Barcelone, il était quand même un peu sombre en disant « j'ai jamais vu une telle liste de choses à faire ». Là, le discours était un peu plus optimiste. Voilà. En tout cas, moi, je sens que l'objectif quand même victoire qu'il se fixe en 2030 reste quand même hyper, hyper, hyper ambitieux. Effectivement, hein, c'est après ils n'ont pas le choix, ils sont en F1 pour être ambitieux et malgré tout on est sur un constructeur qui a quand même calibré un peu la réglementation sur sa volonté aussi, donc il faut qu'il soit au rendez-vous. Alors pas forcément la première année évidemment, il y a toujours beaucoup de travail à faire sur une équipe et un moteur de F1, mais il y a quand même, pour moi, l'objectif de victoire à la fin de la décennie, il est ambitieux, mais c'est le minimum. Parce que c'est Audi. Bah, c'est Audi quand même. Ouais, c'est ouais. Ça. Hein. C'est Audi. Ils sont passés. Ils ont gagné partout où ils sont passés. Et ils viennent partout pour gagner. Donc, si en 2029, 2030, ils jouent pas la victoire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé à mon avis. Même si je suis bien conscient que c'est la formule. Mais voilà. Donc après, c'est vrai que les débuts vont être forcément un peu compliqués. Mais je pense que ce sera pas. Je suis un peu moins inquiet pour eux que je l'étais après Barcelone. Ça fait un plan à 100 courses, ça, si on y réfléchit bien, quand même. Ouais. C'est vrai. Ah, là, je commence à être inquiet, alors. Là, ça va, normalement, il n'y a pas Briatore derrière. Donc, ça va aller. Ouais, le plan 100 courses, c'était avant Briatore, je le rappelle. Oui, mais c'était, oui, c'est vrai que c'était... Laurent Rossi. Excusez-moi, j'ai mauvais casting, mais bon, même problème, quand même. Non, chez Audi, bon, voilà, il y a... Il y a du sérieux et des objectifs qui sont pour moi réalisables. Donc voilà, après je pense que c'est ouais, il y aura du boulot pour eux, mais je suis un peu plus rassuré. Je l'étais après Barcelone parce que j'avais l'impression qu'ils étaient ils manquaient de performance, oui. Et de fiabilité. Clairement, oui. Là, ça a l'air quand même d'être un peu mieux. Voilà, donc après bon bah c'est de toute façon il n'y aura pas la place pour tout le monde devant non plus, hein, donc ça on sait bien, il y a des équipes qui vont décevoir, mais ça a l'air d'être quand même dans le bon groupe, on va dire, du côté d'Audi. On va parler de Red Bull qui a fait 343 tours sur les 3 jours, donc on est sur un kilométrage quand même correct pour l'équipe et surtout pour le moteur de Red Bull Powertrains et Ford qui a fait 1856 km dans la RB22. Là encore, alors il est désigné comme le moteur absolument imbattable et tout ça par Mercedes. La fusée, ouais, exactement. Est-ce que vous pensez, messieurs, et je vais commencer par toi, Franck, est-ce que vous pensez que c'est une possibilité ou est-ce que vous pensez que Mercedes en fait beaucoup pour essayer de noyer un petit peu le poisson de son moteur qui serait, selon d'autres, et notamment selon Red Bull, le meilleur moteur? C'est hyper politique. Tu sais bien qu'il y a l'histoire des compressions, les taux de compression, donc forcément, on essaie toujours de pointer du doigt l'adversaire, mais force est quand même de constater que ce moteur marche très très bien et qu'ils ont une stratégie de recharge d'énergie qui est quand même assez différente des autres. Hein. Alex l'a pointé tout à l'heure avec le coup de la première vitesse, notamment engagé par Verstappen sur pas mal de virages, là où ça passe en 2 et en 3. Maintenant, on rappelle que Red Bull Ford, c'est tout neuf, c'est tout jeune, mais bon, c'était quand même monté il y a plus de 3 ans. C'est beaucoup d'ingénieurs qui viennent de chez Mercedes, qui viennent de chez Renault, qui viennent de chez Honda, certains aussi qui viennent de chez Ferrari, donc c'est des gens qui savent concevoir un moteur. J'avais rappelé dans une émission précédente que du coup, ils avaient monté une toute nouvelle usine, donc ça forcément, il y a tout qui est nouveau, donc il y a toutes les dernières technologies possibles et imaginables qui ont été commandées. Donc voilà, moi je suis pas forcément extrêmement surpris qu'ils aient réussi à sortir un très bon moteur tout de suite. Voilà, forcément c'était un doute que tout le monde avait. Hein. C'est quelque chose que voilà, quand quelque chose est tout neuf, forcément ça peut poser des questions, mais les gens qui ont été embauchés, qui viennent de partout ailleurs, c'est des gens qui savent faire. Je pense notamment à Ben Hodgkinson, qui était chez Mercedes avant, qui était un des leaders chez Mercedes et qui en sait beaucoup sur ses moteurs turbo. Et derrière, ça a l'air d'être quand même pas mal. Ils ont eu un petit souci de moteur le premier jour, je crois, le premier jour du coup de Bahreïn, et du coup en remontant le moteur, il y a une fuite hydraulique qui s'est déclenchée sur le châssis. Ça a privé Hadjar d'une demi-journée de roulage, et c'est là qu'on voit la différence entre Red Bull Ford et les Williams, McLaren et Ferrari qui ont fait beaucoup de kilomètres. Vous remettez les 70 ou 80 tours qu'Hadjar aurait pu faire, il était dans les 420 tours comme les autres. Donc il y a quand même une petite alerte moteur, mais c'est pas anormal non plus. Maintenant, ça a quand même tourné de manière plutôt fiable et à Barcelone et à Bahreïn. Donc j'ai envie de dire que le moteur, au moins, ne sera pas ridicule. C'est surtout ça que je pense qu'on craignait, c'est que Red Bull Ford sorte un moteur qui soit ridicule ou un truc qui puisse faire fuir directement Max Verstappen en disant, moi, ce projet-là, il a aucune chance de réussir dans les 1, 2 ou 3 ans, et je vais pas m'éterniser en Formule 1 pour ça. Là, le moteur, il est quand même parti quand même plutôt, je pense, sur de très très bonnes bases. C'est peut-être pas le meilleur moteur. De toute façon, ça va être très difficile de dire quel est le meilleur moteur. Hein. C'est vraiment tellement de choses qui vont être vraiment liées à la gestion d'énergie que ça va être très difficile de dire tel moteur est meilleur que l'autre. Ouais, bah oui. Ça va être très très compliqué à vendre aux fans de F1 en disant quel est le meilleur moteur. Là, je vous avoue que ça va être très très difficile de le dire. Ça va être quel meilleur moteur pour quel type de circuit. C'est peut-être ce genre de choses-là qu'on va découvrir, mais pas quel meilleur moteur de manière globale, générale. Mais voilà, c'est très bien né, et tant mieux, on a du coup un autre moteur qui est très performant, et je pense que tous les moteurs de la grille, sauf un, sont performants, et on s'attardera plus tard sur celui qui pose vraiment souci, mais voilà, j'ai envie de dire, gros ouf de soulagement du côté de Milton Keynes, de Verstappen, de Hadjar aussi, voilà, parce que voilà, on sait très bien que les pilotes qui switchent d'équipe, qui sont censés vouloir gagner, se prennent une désillusion dans la figure, ça arrive beaucoup. Hein. On pense notamment à Russell qui est arrivé chez Mercedes en 2022, qui s'attendait certainement à de bien meilleures saisons. Donc, non, j'ai envie de croire que Red Bull peut jouer les victoires avec ce moteur-là dès cette saison, hein, sans problème. Alors, c'est assez drôle, puisqu'il y a quelques semaines, pour essayer de draguer Verstappen, Mercedes disait que Red Bull allait avoir un moteur absolument minable. Et là, ils sont en train de dire qu'ils ont le meilleur moteur du plateau. En tout cas, moi, effectivement, hein, franchement, surpris en très très bien par le travail fait jusqu'ici par Red Bull et par Ford. Je pense qu'eux-mêmes sont peut-être surpris du travail qui a été effectué en coulisses. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont réussi à retenir Verstappen. Bon, qui va malheureusement prendre sa retraite à cause des F1. C'est ce que j'allais dire. À la fin de l'année, mais franchement, on peut qu'applaudir pour le moment le boulot qui a été fait par Red Bull, et voilà, ils sont dans le bon peloton, alors que on n'était peut-être pas les derniers à penser que si ça se passait très très mal, ils pouvaient être 5e ou 6e au classement constructeur. Et effectivement, non, ils sont partis de zéro, alors c'est peut-être un avantage de partir de zéro en développant des moteurs neufs. Alors, partir de zéro, oui et non, hein, parce qu'ils ont coté tellement d'anciens ingénieurs de Ferrari, de Mercedes et de Viry que voilà, ils ont de quoi faire. Donc franchement, pour le moment, c'est très très rassurant. Donc bravo pour Red Bull, qui est donc un des trois nouveaux motoristes cette année. Alors, je compte Honda, puisque apparemment ils avaient arrêté de travailler entre 2 ans. Un peu de dilettantisme du côté des Japonais. c'est tellement dans la culture japonaise, en plus, du dilettantisme. Ouais, c'est clair. Alors, on y reviendra, mais un peu plus tard, hein, puisque ça s'est pas très bien passé. On va continuer avec l'autre équipe qui utilise le même moteur Red Bull Ford. Donc là encore, on a déjà pas mal parlé du moteur lui-même avec cette Red Bull qui fonctionnait bien. La Racing Bulls, elle a un peu plus en difficulté quand même, hein, on va pas se mentir. Un petit peu moins de tours, mais en termes de roulage, ça va. 327 tours, 1770 km. Donc là, bon, rien de méchant à relever. Mais Alex, effectivement, un peu plus d'inquiétude en termes de performance, en tout cas, peut-être. Ouais, elle a l'air instable. Elle a l'air très instable. Lindblad n'avait pas l'air au mieux sur la Racing Bulls, ce qui n'est pas non plus très surprenant, hein. Ce qui nous prouve que c'est le châssis. On parle beaucoup des moteurs, mais les châssis vont bien sûr être prédominants. Voilà, instabilité, sous-virage pour la Racing Bulls. Je pense dans le milieu peloton, mais bof, a priori. Hein, c'est un petit peu la tendance qui se dessine. Voilà, ce qui n'est pas non plus très surprenant. Hein, ils ont un duo de pilotes, Lawson et le seul rookie du plateau, Lindblad. Pas forcément des ambitions énormes pour cette année, mais ça fait toujours aussi des données pour ce moteur Red Bull, et donc voilà, plutôt relativement décent pour le moment, mais rien de choquant non plus. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est un peu ça. Et toi, Franck, qu'est-ce que tu... Bon, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter pour l'instant. On voit quand même que ouais, c'est quand même encore bien, bien cloisonné, hein, entre Red Bull et Racing Bulls. Hein, je pense qu'en termes de... Pour ceux qui s'attendaient à avoir un copier-coller de la RB22, c'est pas du tout le cas, en tout cas. Hein, voilà, c'est compliqué, c'est différent. C'est pas la même gestion, c'est pas le même type de programme non plus qui est déroulé. C'est la première intersaison menée par Alan Perman en tant que directeur d'équipe aussi, hein, il faut le souligner. Donc forcément, il y a aussi pas mal de choses, de directions données qui l'ont. Même si Alan Perman, c'est dans le genre comme ingénieur extrêmement capé dans le paddock, qui a suggéré des problèmes d'essai, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça reste quand même aussi comme des choses nouvelles. On sait que Perman, c'est pas forcément le type le plus facile à côtoyer dans un garage. Hein, les gens de chez Renault F1 le savent quand même assez bien. Mais voilà, c'est pas alarmant, on va dire, hein, clairement. C'est pas alarmant. C'est dans le ventre mou, on va dire, pour l'instant. De toute façon, voilà, on va pas trop juger les performances pour le moment. Je pense que ça reste quand même extrêmement correct. Hein. Si on vraiment juste on regarde le tableau des chronos, c'est à quelques dixièmes de l'autre Audi ou de la dernière Alpine, mais c'est pas, on est à peu près tous dans le même bateau. Voilà. Mais on peut pas savoir à quel point ils ont roulé fort ou pas. Donc voilà, c'est pas aussi rassurant qu'une Red Bull, ça c'est clair. Mais ce sera pas non plus une catastrophe. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Voilà. Ouais, je la trouve difficile à juger cette équipe. C'est ça. Après, c'est vrai que les pilotes sont. J'adore les jantes blanches, c'est tout, moi. Tu t'aimes pas, moi j'aime bien. J'aime pas. En fait, j'aurais aimé si elles avaient l'air un peu plus jantes, mais là, je trouve que ça fait vraiment. On dirait un peu plastoc, ça fait bizarre, mais. C'est dommage, je trouve que le blanc, c'est toujours classe. Ils avaient des jantes blanches en 2021, quand ils étaient AlphaTauri à l'époque, et ça allait très très bien. Là, j'aime juste pas leur design, mais après, oui, effectivement, c'est pas mal. La livrée est pas mal et tout. Enfin, l'équipe est sympa, mais ouais, je sais pas. J'ai l'impression que ça. C'est sympa. J'ai l'impression qu'il y a pas vraiment. Merci pour cette analyse. Non, mais je trouve que, en fait, je sais pas comment dire. Tout le monde y met du sien, mais je trouve que l'équipe est un peu. Tu sais, ils ont l'air tous un peu sceptiques, je sais pas. Mais il faut pas rêver, en fait, ça le truc. Ouais, c'est ça. Les pilotes ont l'air un peu. Bah, Lawson, en attente. Il faut pas rêver. Linda, ouais. Bon, tout le monde attend de voir ce qu'il vaut. C'est vrai que t'as plus Tsunoda qui. C'est un petit peu un chouchou quand même des fans. Hein, dans ce ouais, c'est ça. Et puis il y avait Hadjar l'an dernier. Il y avait Hadjar l'an dernier, voilà, qui nous est un peu plus rêvé, nous, côté français. Donc c'est sûr que c'est une équipe qui parle un peu moins, je pense, aujourd'hui aux fans francophones, clairement. Ouais. Donc c'est normal. Hein, voilà, on s'y attache forcément un petit peu moins. Mais à voir ce qu'ils vont donner. Exactement. C'est vrai que ça peut quand même faire des belles choses. Après, on a vu l'an dernier qu'ils savaient faire des belles choses, oui. En tout cas. Mais bon, après, c'est un énorme atout pour Red Bull Powertrains et Ford, puisque au moins ça fait une deuxième équipe, contrairement à Audi notamment pour son nouveau moteur, et ça fait forcément beaucoup plus de kilomètres. Et Honda. Évidemment. On va parler de Cadillac avant. Là aussi, un peu comme Audi, on a été un peu rassurés de voir que la Cadillac, dont on ne connaît toujours pas le nom, a fait 320 tours en 3 jours, donc plus de 100 tours par jour en moyenne, 1732 km parcourus par Bottas et Perez. Bon, globalement, il n'y a pas eu de gros soucis. Les arrêts en piste étaient des choses plutôt. Des erreurs de cartographie ou des choses comme ça, mais pas de grosses avaries mécaniques. Donc moi, je suis plutôt rassuré et je suis plutôt impressionné par le travail que fait cette équipe, Alex. 320 tours et un film, puisqu'on a appris que Keanu Reeves allait tourner un documentaire un peu comme il avait fait sur BoneGP, sur la naissance d'une écurie. Et je pense que ça va être aussi intéressant à regarder côté coulisses. Alors, c'est une voiture qui ne semble pas avoir de failles terribles, qui semble relativement fiable, mais qui semble aussi manquer de beaucoup de grippe. Hein. Ce n'est pas non plus une surprise. Ils débutent de pas grand-chose, effectivement. Hein. Donc, ils vont souffrir. Hein. On s'attend à ce qu'ils soient en fond de grille. Sans trop de surprises, une voiture instable et qui, par conséquent, dégraderait pas mal les pneus. Voilà, je pense que Perez et Bottas ne vont pas forcément énormément s'éclater au volant de cette voiture, au moins durant les premiers Grands Prix, mais en tout cas pour une première saison, voilà, reste à voir à quel point ils seront derrière. Est-ce qu'ils seront vraiment derrière tout le monde? Est-ce qu'ils pourront battre des Audi, battre des Aston, battre des Racing Bull de temps en temps? Ça va être difficile, c'est pas honteux, là encore, hein, c'est plutôt dans l'esprit de ce qu'on attendait. On ne pouvait pas forcément en demander plus. Oui, peut-être qu'on pouvait espérer, certains pouvaient espérer un BoneGP 2009, mais on n'est pas du tout absolument pas du tout dans la même configuration avec des Honda qui auraient mis des milliards et des milliards en 2008. Donc là, on est sur une équipe de fond gris qui débute, mais on ne sera pas dans la HRT, à mon avis. Voilà, il ne faut pas oublier qu'ils ont un nouveau moteur en 2029, donc c'est peut-être aussi ça qui vise avant tout. Voilà, bon, il ne faut quand même pas s'attendre à ce qu'ils fassent des top 10, hein, ça c'est sûr. Moi, je suis hyper impressionné quand même par les débuts de Cadillac Ferrari parce que c'est comme une équipe qui vraiment, pour le coup, part de zéro, hein. Alors certes, il y a la grosse structure TWG, Andretti derrière qui quand même sait faire des choses, mais monter une équipe de A à Z de toutes pièces quand vous avez la confirmation qu'en courant d'année 2025, vous serez bien là en 2026. Alors certes, ils avaient commencé à bosser avant, certes, ils avaient aussi de maximiser leurs chances et tout, mais quand même, ils partent vraiment de zéro et ils font énormément de choses en interne. Comme tu dis, Alex, j'allais citer exactement la même chose. C'est une équipe qui n'est pas, au vu des premiers chronos qu'on voit là, qui ne sont pas les derniers, hein, voilà, qui ne sera pas du coup du HRT ou du Manor, Marussia ou Virgin, je sais plus combien de noms elle a eu, ou Lotus, Caterham, voilà, parce que je sais pas combien de changements de noms sur les petites équipes. Et surtout, pour la comparer à l'équipe la plus récente qui a fait ses débuts, donc c'est As. En 2016, mais As n'était qu'un intégrateur de pièces. Hein. As ne faisait qu'intégrer des choses fabriquées par Dallara, conçues chez Ferrari. Ferrari. Voilà, et c'est pas la même chose. Là, on parle vraiment d'une équipe qui fait tout en interne et qui arrive déjà dans des chronos totalement raisonnables, hein, parce qu'on est vraiment dans. On est à 3 secondes de la Mercedes, mais bon, il y a quand même des équipes qui sont encore derrière. Il y a quand même, on voit quand même encore une Williams derrière, une Racing Bull derrière et les Aston Martin. Donc oui, c'est quand même hyper rassurant pour un début, quoi. Alors oui, c'est peut-être pas la monoplace la plus équilibrée, c'est peut-être la monoplace qui préservera le mieux ses pneus pour l'instant, mais c'est des débuts, quoi. Et c'est vraiment, pour moi, un coup de chapeau, quoi. Voilà, c'est un coup de chapeau pour une nouvelle équipe qui débute vraiment de A à Z et qui fait pas de voilà qui qu'on retrouve pas à 3 secondes ou à 4 secondes des autres meilleurs quoi. Et ça, c'est le plus important. Ouais, clairement, c'est vrai que moi je suis comme ça, je suis assez impressionné. Oui, ça risque d'être compliqué au départ, Oui. mais dans tous les cas, être déjà dans le rythme, on va dire, parce qu'encore une fois, la voiture a l'air quand même dans le rythme des autres, hein. Ça, c'est comme tu dis, il n'y a pas des gros écarts. C'est vrai que ouais, c'est moi je suis assez impressionné. Et puis bon, après c'est Cadillac, hein, mine de rien, c'est quand même il y a un grand nom derrière, donc je pense que ça va vite vite s'accélérer, et c'est très bien comme ça. On parlera de leur livret après, puisqu'on fera un petit point à la fin. Sobriété, n'oublions pas Pacifique. Alors oui, voilà, faut comme avant Pacifique, on m'a déjà cité Lola, la fameuse équipe Lola qui était Lola 97. Mastercard, qui a été lancée un an plus tôt pour faire Ouais, c'est plaisir à ça. Mastercard. Mastercard, ah là là. Qui revient en Formule 1 chez McLaren. J'espère que c'est pas de mauvais augure. Écoute, déjà la voiture n'est pas bariolée comme elle était avant, mais non, non, je pense que ça va se passer un peu mieux normalement. Oui, il y a eu Onyx, il y a eu Forti, il y a eu Simtek, il y a eu Andrea Moda, Life, Eurobrun et autres choses pas mal. Après, tu peux aussi citer tous les noms de Enstone aussi qu'il y a eu, mais bon. J'en suis Ah, pas ils sûr. Et étaient puis. plus glorieux que celui qui est actuellement. Play. Play Life, qui se souvient du moteur Play Life. Ah ouais, ça c'est vrai que c'était pas mal. Effectivement. Jouons de la vie. J'ouvre la vie. Ah, ce serait plutôt Play Dead, quoi. Et ben justement, on va parler d'Alpine. Ah, l'équipe de cœur d'Alex. Exactement. Alors, 318 tours chez Alpine, 1721 km, et globalement, pas d'alerte en termes de fiabilité. Des performances difficiles à évaluer évidemment, mais globalement, bon, ça a l'air quand même d'aller mieux que les dernières années. Sans, Quelques petits pépins sans... techniques, quand même. Comment? Quelques petits pépins Oui, techniques, quelques quand petits pépins, et puis on va quand même pas donner raison à Flavio Briatore, hein, c'est pas la faute du moteur. Mais même. voilà, bon, c'est vrai que ça a l'air d'aller mieux, même le châssis a l'air quand même mieux. Voilà, après, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas ce que toi, Alex, je vais te laisser en parler, mais que penses-tu de cette semaine d'essai d'Alpine? Bah, c'est mieux que l'an dernier, ça c'est sûr. En même temps, ça pouvait pas être pire. Ça m'a l'air d'être une équipe de milieu de grille, hein. Oui, c'est vrai que ça. Mais ça m'a l'air d'être une équipe de milieu de grille, qui est effectivement une voiture mieux équilibrée. Mais effectivement, c'est pas non plus un projet qui fait rêver. Être en milieu de grille, voilà, ils parlent pas forcément de plus que ça. Ils parlent d'être dans les points à toutes les courses. C'est pas exactement le projet qu'on nous avait annoncé. Surtout quand on voit que derrière les promesses qui sont faites à l'usine de Viry sur le projet en endurance et autres ne sont pas du tout tenues, ce qui veut dire que Briatore aurait menti. Donc là, les bras m'en tombent. Donc oui, en tout cas, ça semble être meilleur que ça semble être meilleur que l'an dernier. Je suis étonné. Ça reste à voir, voilà. Oui, que, en tout cas, ils ont plus l'excuse, ils ont plus l'excuse du moteur, hein, donc ça va être intéressant à regarder. Après, on ne sait pas les pépins techniques, ce qui était vraiment en cause, ça n'a pas été détaillé. Donc, est-ce que c'est les mêmes pépins qu'ils ont eu aussi chez Mercedes dans l'équipe voilà, constructeur, qui se situe juste derrière en termes de kilométrage? Mais oui, voilà, en tout cas, la monoplace est, voilà, elle est quand même plutôt bien, bien là. Franco Capito fait le 11e temps, donc il est vraiment, voilà, c'est milieu de tableau. C'est pas. Voilà. Pour l'instant, on peut pas trop des. Voilà, on n'a pas trop envie de tirer de conclusions. Voilà, c'est pas les temps des Aston, voilà, parce qu'on va quand même commencer un peu à taper au fur et à mesure sur on Aston. On en approche, hein, on en approche. On approche, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pas du 1.33, mais c'est pas du 1.38 non plus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Voilà. Ouais. On verra la semaine prochaine, on verra Melbourne, quoi. Mais bon, après, en tout cas, ils ont une bonne base technique qui est le Mercedes, clairement, qui a l'air d'être en forme. Ils ont apparemment un châssis plutôt léger, donc ça c'est plutôt bon signe aussi. Après, niveau aéro, je suis pas sûr que ce soit une folie. Ils ont ce DRS qui se baisse à l'arrière et non pas qui se lève. C'est les seuls avec Audi qui a un peu un système similaire maintenant. Audi bascule l'aileron au niveau du milieu du plan. Ouais. Et effectivement, Alpine le baisse au bout du plan, donc à l'extrémité arrière. Et c'est vrai que sur le papier, quand on le voit comme ça, vraiment baissé, on se dit que c'est vraiment la meilleure solution. Parce que Alors, c'est la solution qui était présente dans la vidéo de la FOM à l'époque où ils avaient présenté le règlement. Hein. Bah, pour moi, toutes les voitures étaient comme ça. On va regarder la vidéo de la FOM, ils ont copié la FOM. Ah, pour moi, tout est comme ça. Et en fait, on se rend compte que 9 équipes sur les 11 ont un DRS. Hein, donc, c'est ça. Et quand on regarde d'ailleurs les ailerons qui sont sous l'eau, on se dit quoi, mais il y a quand même une sorte de traînée qui doit être faite parce qu'il y a quand même un plan qui reste quand même plus ou moins exposé. C'est vrai que la solution d'Alpine, quand tout se baisse comme ça, c'est vraiment hyper plat. Et on se dit, voilà, cette première analyse visuelle, et on sait très bien que c'est pas forcément la meilleure possible, mais on se dit, waouh, c'est quand même le plus effacé possible, c'est quand même l'aileron de l'Alpine. On se dit, ça doit être clairement le plus efficace. Maintenant, c'est purement visuel. Donc, c'est pas forcément une vérité, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Comme Steve Nielsen l'a dit, effectivement, on est les seuls, on sait pas si c'est le bon ou le moins bon. En tout cas, ce que nous, on a testé, c'est prometteur. Donc pourquoi pas, et peut-être qu'on verra d'autres équipes aller sur la solution d'Alpine. Pourquoi pas. En tout cas, c'est intéressant à voir, ça c'est sûr. C'est au moins quelque chose un peu osé. On nous demande la boîte aussi, c'est Mercedes ou c'est Alpine. Bah, c'est fourni avec le moteur. Oui. Ils n'ont pas fait leur propre boîte de vitesse. Globalement, je crois que toutes les équipes clients, McLaren a sa propre boîte, mais je crois que Williams maintenant utilise la boîte de Mercedes. Oui. Donc voilà, et après chez Ferrari, la boîte de Ferrari est utilisée par As et par Cadillac. Il n'y a que chez Aston Martin qu'ils ont dû réapprendre à faire une boîte de vitesse. On donne le fourneau. Il leur a proposé la CVT de la Honda Jazz. On leur a dit non, on va trouver autre chose. Non, c'est vrai que c'est bon, ça c'est. On y reviendra aussi. On en approche, hein, d'Aston Martin. On sait que vous êtes beaucoup à attendre un petit peu. De savoir ce qu'on va dire dessus, parce que forcément ça a été agité. Mais on va d'abord parler de Mercedes. Alors là aussi, on en parle très très tard dans l'émission, puisque Mercedes n'a fait que 282 tours, 1526 km pour la W17, trois quarts fait par George Russell, un quart fait par Kimi Antonelli, qui a été plutôt 94-188 exactement. Ah oui, pardon, deux tiers un tiers, j'étais un peu plus oui c'est vrai, deux tiers un tiers, mais quand même, donc un petit peu de déséquilibre, puisque le pauvre Antonelli il a pris tous les problèmes sur la fin. A eu quelques soucis. Ouais. Franck, toi, effectivement, est-ce que tu penses que Mercedes a tenté des choses qui mettent un peu la voiture dans des conditions délicates, ou est-ce que tu penses que une fois passées les conditions hivernales de Barcelone, en fait, ils se sont rendus compte que la voiture était peut-être un peu trop packagée, parce qu'on avait dit que le moteur était très enfermé dans la voiture, la voiture était très fine à l'arrière. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent payer ça? Décidément, dès qu'il y a de la chaleur chez Mercedes, ça va. C'est un cauchemar. Hein. dès qu'ils commencent à avoir du soleil, ça va plus chez eux. Oui, bon, après, on n'a pas exactement les détails des problèmes, mais c'est quand même clairement une question du moteur et de l'intégration du moteur, clairement. Hein. C'est là-dessus, en tout cas, que ça semblait se jouer. Il y a eu des failles, il y a eu des problèmes, il y a eu une casse, hein, il y a eu une casse moteur, une vraie casse moteur qui a eu lieu au tout début. Je suppose que ça va être le moteur de Barcelone aussi. Donc c'est pas forcément comment dire inhabituel. Sur un moteur neuf, bon, peut-être qu'il va falloir se poser des questions, mais ça veut dire que bah, le moteur Mercedes, peut-être qu'il pousse aussi peut-être déjà un peu plus loin certaines choses, hein, en termes de taux de compression, en termes d'efficience énergétique. Voilà, clairement, on est là aussi là pour tester des choses, hein, chez Mercedes. Donc, s'il faut casser, c'est maintenant. Donc, peut-être qu'on a testé certaines choses aussi. Est-ce que c'était voulu ou pas voulu? Est-ce qu'on s'y attendait ou on s'y attendait pas? Ça, malheureusement, on n'a pas eu trop de débriefs là-dessus, malheureusement. Ils ont juste regretté un peu le roulage qui manquait un peu par rapport à ce qui... Mais bon, ils avaient tellement bien roulé à Barcelone que là, ça a pas eu trop d'impact, j'ai envie de dire, sur le jeu. Maintenant, si effectivement c'est un problème de packaging et de surchauffe, bah, il faudra revoir un petit peu de choses, parce que ça m'a pas quand même l'aide, ça m'a quand même pas l'air d'être la monoplace la plus fine non plus. Elle est extrêmement fine quand même, hein. C'est quand même très très très très très très, très intégré, très bien intégré. En termes de ponton, il y a quand même du volume quand même, donc c'est là où je suis un peu surpris, quoi. Donc il y a quand même de la surface pour les radiateurs, ce qu'il faut pour refroidir, mais bon, ça doit jouer sur quelques pouillèmes de refroidissement par-ci par-là. Et voilà, bon, il faisait 25 degrés à peu près dans l'air, il faisait 40, 42 à peu près en piste, grosso modo, 25, 30 degrés. C'est pas extrêmement chaud non plus. Ça, on va dire que c'est des conditions printemps chaud, début d'été. Voilà. Oui. Grosso modo. C'est ça. Effectivement, moi je pense qu'ils ont pris quelques libertés de test dans le sens où ils avaient tellement engrangé de kilomètres à Barcelone qu'ils pouvaient se permettre de moins rouler. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est la semaine qui vient où on va voir en fait s'il y a vraiment des problèmes de. Parce que la semaine qui vient, il y aura quand même besoin de rouler. Il y aura besoin d'enchaîner. Et je pense que si c'est là qu'on va voir en fait s'il y a vraiment des problèmes de refroidissement ou pas. Mais c'est vrai que c'était un peu surprenant de voir cette Mercedes à l'arrêt sur des longs moments, notamment une demi-journée complète pour Antonelli. Voilà, après la démonstration de fiabilité de Barcelone, c'était un peu surprenant. Est-ce que tous les motoristes ont poussé les moteurs au max? Non, non, dans le chat. Non. Non, clairement. Clairement, ils ont dit qu'ils allaient faire quelques tours avec la full puissance. Si, bah oui. Ah. Oh, la mauvaise langue. Et Hatchoum, t'as raison. Hatchoum, mais bon, est-ce que les moteurs des essais comptent dans le budget de cap? Oui. Non. Non? Pas dans le budget cap moteur? Ah, je croyais. Autant pour moi. Non. Je sais qu'il est. Ouais, d'accord. Et donc, évidemment, ils ne comptent pas non plus pour les quotas de moteurs, évidemment. Donc voilà. Après, de toute façon, l'idée, c'est quand même que les équipes n'aient pas de grosses défaillances sur les moteurs, puisqu'il y a quand même, enfin, ça fait beaucoup de temps de changement et de temps perdu quand ils doivent les remplacer complètement. Mais donc, c'est pas pénalisant. Je pense qu'on va pouvoir passer à Aston Martin. je retardais un peu l'échéance pour les fans d'Alonso et de Stroll, mais. C'est... Je pense que manger, c'est bon. Tout le monde est bien accroché. Alors, comme on l'a traité, on peut passer au livret. Hein. C'est bon. Donc, on en dit quoi? F3 engine, F4 engine. Engine déjà. Alors, jazz engine. Moi, je me souviens la semaine dernière qu'on avait découvert la scène de Barcelone, j'avais dit OK, j'attends de voir notamment le moteur Honda. Bah oui. On a la vidéo et on a vu. On a vu, alors évidemment, la situation. Alors là. Au contraire du châssis, la situation ne peut pas évoluer rapidement. C'est ça la différence. Enfin, en tout cas, moins rapidement avec le moteur, parce qu'on sait que les évolutions sont possibles qu'à la 7e course avec le système de rattrapage moteur. On a eu des commentaires de Stroll qui disaient on sera à 4 secondes et demie, des commentaires un peu plus rassurants quand même d'Alonso sur la performance. Mais en tout cas, visuellement, c'était dégueulasse. Hein, la Aston Martin, c'était une voiture qui a l'impression qu'il y avait des... Qui était pas très loin des soins palliatifs dès qu'il s'agissait de viser la VMAX. C'est une voiture hyper instable à l'arrivée, et c'est pas très étonnant quand on se remet en contexte de Newey qui disait on a eu 5 mois de retard. Alors bon, ils ont attendu Newey, apparemment ils prenaient des cafés à l'usine de Silverstone en attendant qu'ils viennent, et puis une équipe qui a une nouvelle soufflerie, un nouveau simulateur, toute nouvelle boîte de vitesse, c'est pas un défi à sous-estimer. Mais voilà, c'est là aussi, on pourrait presque parler de pas de nouvelle équipe, mais en tout cas d'un projet qui repart presque, enfin, de pas grand-chose, avec des infrastructures qui changent, un nouveau moteur, des dirigeants aussi qui changent. On va parler peut-être aussi du départ de Cowell, mais ce n'est pas non plus rassurant sur le départ, sur la performance du moteur. On peut parler du body language de Lawrence Stroll, qui était vraiment en grande souffrance. Après, est-ce qu'il a déjà eu un body language différent, Lawrence Stroll? Bah, si, en 2023, quand ils avaient copié la Red Bull. Mercedes, ça marchait bien. La Red Bull, oui. C'est vrai, ça. Donc, c'est un projet. Qui pour le moment, on n'est pas en situation de crise, mais vivement 2027 apparemment, et Alonso a connu bien ça. Alors moi, j'ai quelques petites choses, après je te laisse la parole Franck, mais j'ai quelques petites choses qui me perturbent quand même pas mal dans tout ça, c'est que ça fait des années qu'on nous dit « oui, on attend d'avoir la soufflerie, on attend d'avoir ci, on attend d'avoir New Way, on attend d'avoir ça, machin ». Au bout d'un moment, quand tout est en place, on ne peut pas dire « oui, ben maintenant, il faut tout faire fonctionner ». Alors certes, évidemment, il faut tout faire fonctionner, mais... À quand vont s'arrêter les excuses pour Aston Martin? Déjà, ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que Aston Martin va vraiment avoir le culot de jeter Honda sous le bus, alors qu'on sait très bien qu'en Formule 1, si un moteur est mal développé, c'est aussi que, et surtout quand il y a une relation d'exclusivité entre un châssis, et enfin une équipe et un motoriste, et on se rappelle de Honda avec McLaren, on sait que si le moteur est raté par rapport à la voiture, que ça ne convient pas, etc., il n'y a pas une responsabilité à 100% du motoriste. Et clairement, pour moi, si le Honda est raté, encore une fois, on parle de Honda qui a très bien réussi à faire un moteur avec Red Bull, qui n'a pas réussi avec McLaren. S'ils ne réussissent pas avec Aston, on sait aussi que, alors oui, il y a une responsabilité de la part de Honda, mais pas seulement. Et on sait que New Way peut être extrême dans ses designs. Donc on sait que New Way a déjà raté des voitures, ce ne serait pas la première non plus. Alors même si on nous dit qu'elle est très très bonne et tout ça, hein, mais entre une voiture très performante et une voiture qui est exploitable avec sa performance maximale, c'est deux choses différentes. Et voilà, donc moi c'est des questions que j'ai un petit peu, on en pourra en débattre après. Franck, je vais te laisser suivre, enfin donner ton avis. Mais voilà, moi c'était un petit peu cette chose-là, c'est que la communication d'Aston Martin m'agace un peu, parce qu'au final, à chaque fois, on nous dit oui, bah là il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça. Maintenant, au bout d'un moment, les excuses, il va falloir que ça s'arrête, il va falloir qu'on commence à avoir des résultats. Oui, après je pense que si on veut vraiment un vrai son de cloche, on a eu le côté un petit peu d'Alonso qui a quand même dit que c'est pas plutôt la voiture de... New Way qui est raté, c'est quand même plutôt le moteur Honda, donc objectivement, on peut quand même pointer plus du doigt Honda que Aston pour l'instant. Je pense par contre que, pour en revenir à ce que disait Alex, par rapport, je pense que Cowell, pour le coup, le fait qu'il est dégagé, enfin, pour l'instant il n'est pas dégagé, mais voilà, je pense qu'en fait ils se sont rendus compte qu'il a extrêmement mal géré cette partie avec Honda, clairement, il n'a pas su effectivement peut-être être assez ferme avec eux, il a peut-être pas su effectivement gérer correctement le projet. Ils se sont rendus compte, je pense que New Way a dû se rendre compte très vite, voilà, que Honda n'était pas aussi avancé, aussi bien intégré en termes d'attente que ce qu'il voulait. La boîte de vitesse ne semble pas non plus extrêmement bonne aussi pour l'instant, voilà. Donc je pense que Cowell paye un peu tout ça, et en fait, là, du coup, on commence un petit peu à comprendre pourquoi Cowell a été mis sur la touche. Voilà, le fait que Honda est alerté, enfin le fait qu'il y ait eu des rumeurs par contre sur le fait que Honda était en retard, du coup c'était pas du tout des rumeurs, voilà, ils l'ont même admis. Maintenant c'est plus que du retard, effectivement, c'est quand même un peu plus catastrophique que ça, et j'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir un tel gap quand vous sortez d'un voilà de quasiment 10 ans de présence en F1 sur des V6 extrêmement proches. Je veux dire, le seul interface entre guillemets à changer, c'était la suppression du MGUH. Certes que Honda maîtrisait très bien, mais après quelques années de galère, faut le dire, et la partie électrique qu'ils avaient su quand même gérer, certaines puissances moindres et une capacité moindre. Je suis quand même extrêmement étonné du foirage actuel de Honda, alors qu'ils avaient effectivement cette pression du constructeur. Maintenant, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ça va foirer Aston Martin et Honda pendant 2-3 ans, et on va retrouver des Red Bull Honda qui gagnent en 2029 ? c'est Red Bull qui récupère le morceau à chaque fois derrière. Non, voilà, je sais pas quoi dire de plus pour l'instant. La voiture, elle est absolument magnifique, elle est hyper travaillée, les lignes sont superbes, tout est magnifiquement intégré, c'est très fin, ça donne vraiment l'impression d'être peut-être la monoplace qui est la plus proche de son package aérodynamique qu'on attend d'un truc un peu acéré, un peu agressif pour débuter une saison. À côté de ça, dedans, vous avez un moteur qui est, j'ai pas envie de dire anémique, hein, même si les chronos le montrent, c'est quand même pas rassurant du tout. Et comme ils ont très peu roulé à Barcelone, et c'est hors de question pour eux de rouler très lentement à Bahreïn non plus. Donc clairement, là, on a vu des performances qui sont, moi je suis désolé, pour le coup, pas rassurante du tout. Ouais. Bah, comment ça peut s'expliquer? Parce qu'ils ont eu c'était des portes de Saïd, hein. Ils sont ouverts, ils sont partis, ils sont ouverts, ils sont partis, en décidant donc de leur retrait anticipé de la F1 avant de changer d'avis. Et je pense que ça explique une bonne partie de leur retard. Ouais. Et c'est d'ailleurs assez savoureux l'histoire. C'est Red Bull qui, plus que Honda est parti, a dû développer leur propre odeur qui aujourd'hui déclenche beaucoup de sourires. Et Honda qui est revenu sur sa décision et qui est aujourd'hui en souffrance. Donc chez Red Bull, on pourrait dire tu sais quoi. Tous les ingénieurs, tous les ingénieurs Honda chez RC qui s'occupait de la maintenance du moteur Red Bull en Angleterre, du coup à côté des locaux de Red Bull, ben, eux ont été recrutés au fur et à mesure parce que ouais, ils étaient très contents d'Angleterre, ils n'avaient pas envie de retourner au Japon. Donc ils ont été recrutés par Red Bull et tout ce savoir-faire-là a été perdu par Honda. Seven pose la bonne question sur le chat. Est-ce que le véritable coupable, le chat noir, ce serait pas Niue, ce serait pas Honda, c'est Alonso. C'est lui le chat noir. En fait. Mais. Ouais, moi, je... Bah, il va partir, hein, si c'est comme ça. Oui, déjà. Voilà, bah ouais, la motivation ne doit pas être au top. Hein. Mais oui, parce qu'apparemment, il va devoir revenir en F1. Il y a des rumeurs de grosse colère, quand même. Ah oui, il a jeté ses gants, et voilà. Niue n'a pas fait une seule déclaration sur les essais. C'est Mike Rack qui est monté au... Et même Pedro de la Rosa qui sont montés au créneau. De la Rosa. Pour dire qui on a envoyé au feu, quoi. De la Rosa a moulé son baquet. Voilà. C'était pas la première fois que Van Dorn remplace Alonso dans une saison pourrie. Hein. Mais Niue a piqué une colère, Alonso a piqué une colère. Voilà, et c'est... Et Laurent Stroll aussi, hein, je pense, vu son caractère. Ah oui, Laurent Stroll, le problème, c'est que c'est Honda derrière. Il peut même pas tellement vouloir à Niue ou à ses équipes. Peut-être sur la boîte de vitesse, il y a des soucis de boîte, mais le gros souci, c'est plutôt le moteur. Et bon, là, c'est Cowell, du coup, qui va prendre. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il se prend maintenant là. Voilà, mais il est déjà pris. Hein. Moi, pour moi, quand on voit, oui, déjà Cowell, je pense. Mais quand on voit, en fait, encore une fois, quand on entend Audi qui a expliqué à quel point ça avait été crucial de faire travailler ces deux usines ensemble, quand on entend parler de Ferrari qui a parlé d'intégration et qui disait que c'était vachement bien d'avoir Maranello à côté, quand on entend, d'avoir tout à Maranello, quand on entend Mercedes qui dit que c'était complexe quand même ces voitures, etc. Je refuse. Pour l'instant, catégoriquement, de jeter Honda sous le bus gratuitement comme ça, comme le font. Parce que clairement, Alonso va être abject avec eux. Ça, on le sait d'avance. En même temps, les vitesses de pointe à Sakhir, elles ne mentent pas. Hein, je veux dire. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ils vont un peu plus monter cette semaine. Je suis d'accord qu'il y a un problème, mais encore une fois, si le moteur est mal développé, il y a aussi une question de. Je pense que c'est un problème de culture. Pour savoir bosser avec des Japonais. Et c'est pas jeter la pierre aux Japonais, c'est qu'ils ont une culture tellement différente dans leur travail. Mmh. McLaren a mis beaucoup de temps avant d'y arriver, finalement ils n'ont pas réussi. Et c'est Red Bull d'ailleurs qui a récupéré effectivement les gains de tout ça. De comment, voilà. Et là je pense qu'effectivement, bah, le temps que Aston Martin et Honda bossent bien ensemble, eh ben, c'est pas encore smooth, c'est pas encore fluide. À l'époque, pourquoi McLaren n'y est pas arrivé? Parce qu'ils refusaient de faire des concessions sur le travail, c'était. Ils doivent mettre leur moteur dans notre châssis de manière optimale. Mais ça ne marche pas comme ça. Et la preuve qu'ils en sont arrivés sur leur troisième année de collaboration à faire un ensemble châssis-moteur qui n'était même pas assemblable en début de saison. Je veux dire, enfin, on en est à un point. Et encore une fois, à cette époque-là, j'étais le premier, pourtant je suis fan de McLaren, vous le savez, j'étais le premier à dire que McLaren avait eu un problème de travail avec Honda. T'es fan de Ferrari ce soir, hein, vu ton polo. Ah, c'est un déguisement. Mais, mais voilà, après, moi, je refuse, parce qu'en plus, la boîte de vitesse ne fonctionne pas non plus, etc. Je refuse de jeter la faute sur Honda, et je pense qu'ils vont être un peu dégoûtés, parce que ils ont, depuis 2018, qu'ils avaient quitté Alonso, ils avaient eu moins de critiques à leur encontre. Et voilà, et honnêtement... Alonso, il doit se retenir là, quand même. On sent qu'il se retient. À mon avis, il va pas se retenir longtemps. Hein, connaissant. Ah bah, s'il voit Melbourne qui est à 4 secondes ou à 5 secondes, bah, je pense qu'il va. Lui, il a dit qu'il est 4 secondes, c'est pareil, c'est un petit peu trop quand même. Finalement, c'est Lance Stroll qui avait raison. Hein. Ouais. La bonne analyse, c'est lui. Hein, parce que Lance Stroll a bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Lance Stroll a bien dit 4 secondes, 4 secondes et demie. Alonso a essayé de dire non, mais. Ça sera 30 secondes, ça va. Mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à ce que Aston Martin soit potentiellement en fond de grille, peut-être derrière Cadillac. Donc après, avec une courbe d'évolution hein, qui sur le papier restera prometteuses, hein, mais ça fait un moment qu'on dit que chez Aston Martin, on a beaucoup de choses qui sont prometteuses. Ouais, le problème, c'est qu'encore une fois, hein, c'est bien beau d'avoir une usine à 2 milliards, mais il faut faire fonctionner le tout derrière. C'est bien beau d'avoir Newey, mais si tu lui donnes tous les rôles, il peut pas tout faire. Hein. Ça reste quand même Adrien Newey, c'est pas un surhomme, donc voilà. Et moi, je suis un peu. Sait faire, il sait faire la cuisine, il sait faire la voiture, peut-être qu'il ira faire le moteur aussi. Hein. Mais il a construit l'usine, en fait. C'est pour ça qu'il est parti plutôt de chez Red Bull, parce qu'il a fait de la maçonnerie. Non, mais en fait. Attends, il a quand même avoué qu'il avait commencé à concevoir la Aston Martin dans sa tête, alors qu'il était en train de quitter Red Bull quand même. C'est vrai. Il est content, l'ancien employeur, quand même. Même si personne n'en doute, je veux dire, oui. Voilà, voilà, évidemment, après une tempête de travail. Bah, il aurait pu ne pas le dire. Ouais, c'est voilà, ça. C'est ça. C'est ça. Et je trouve, alors, oui, parce que. En fait, je trouve qu'il y a vraiment cette équipe. Il y a une. Il y a une il y a, oui, Philippe et Masson, et Conseil Xani, exactement. Il y a une. il y a une communication dans cette équipe qui est quand même lunaire, je trouve. Parce que, alors, évidemment, on nous en fait des caisses sur Adrien Newey depuis qu'il est arrivé. Hein. La voiture a pris la piste. C'était la première voiture Aston Martin designée par Newey a pris la piste. On a une soirée de présentation. On met Newey en 4x3 sur l'affiche et puis les pilotes dans un coin. Enfin, voilà. Et la présentation, Newey avait l'air amorphe. Je pense qu'il avait passé la nuit à travailler ou je sais pas quoi. Il était complètement ailleurs. Il n'y avait pas d'ambiance. Le stream en plus. Il n'y avait pas d'ambiance. C'était lui qui faisait... c'était lui qui a lancé le stream, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, les pilotes étaient dans un état moral. Ils avaient l'air blasés d'être là. Laurent Stroll a parlé avec zéro charisme et zéro motivation. Enfin, c'était une catastrophe. Le seul truc qui était bien, c'était le morceau de violoncelle composé par Hans Zimmer, mais ça fait un peu short. Ils ont présenté le livret qui était sans surprise sur une maquette. Voilà, donc au final, bon, ça à la limite, pour que je peux comprendre, mais les visuels 3D, c'était la maquette. Enfin, c'est, moi, je trouve que tout tombe à plat, en fait, là, actuellement, et c'est ça qui est tragique, c'est que ils ont fait monter la sauce, parce que c'est eux, en fait, qui ont fait monter la sauce autour de Newey, autour machin. Ça y est, cette fois-ci, on a l'usine, on a la soufflerie, on a la CFD, on a investi, on a Alonso, on a Newey, ils vont travailler ensemble pour la première fois, ça va être incroyable, donc on fait la montée de la sauce, tout ça. Et... Donc ils n'ont pas fait venir Verstappen. Ah mais s'ils avaient fait venir Verstappen, l'usine à 2 milliards, elle aurait déjà cramé. Hein. Et en fait là, tout tombe à plat en l'espace de 2 semaines. Alors, et ils ont aussi, la présentation dont tu parles, elle avait lieu en Arabie Saoudite, puisqu'ils ont aussi un nouveau fournisseur de carburant, Aramco, qui apparemment ne serait pas non plus au mieux, alors même que c'est eux qui ont aidé la F1 à développer de nouveaux carburants. Ouais, mais voilà, c'est fou, quoi. Alors non, Seven, je ne pense pas que ça sente la vente, hein, parce que Laurent Stroll a un projet et veut faire réussir cette équipe, mais c'est juste que... Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce petit aparté tout à l'heure, c'est que moi, le temps des excuses avec Aston Martin, j'en ai plus. C'est-à-dire qu'ils sont dans la situation qu'ils ont voulu. Ils ont cherché cette situation-là et ça ne fonctionne pas pour l'instant. Et ben ouais, c'est de leur faute. Et il va falloir revoir les choses en grand. Et c'est déjà compliqué parce que c'est pas comme si c'était un projet. On parle souvent de Ferrari qui est un peu sa dernière chance avant de faire une révolution de palais. Mais Ferrari a déjà su gagner. Là, Aston Martin, on parle d'une équipe qui n'a jamais. Enfin, c'est anciennement Force India, anciennement Racing Point, machin, et avant ça c'était Jordan. Et c'est une équipe qui a jamais été au sommet de la Formule. Hein. Donc, il y a une très très bonne remarque dans le chat. On a dit ils vont acheter un Audi. Alors non, par contre, je peux très bien imaginer que ça se passe très mal avec Honda, qu'ils les envoient péter au bout d'une année, et qu'ils remettent un moteur Mercedes. Comme on sait quand même que Mercedes et Aston Martin ont comme un actionnariat commun, quand même, parce qu'il y a quand même une relation. Il y a Mercedes qui fournit des moteurs pour les voitures de série. McLaren Honda, le retour. Ça se passe vraiment très mal entre Aston Martin et Honda. Je ne serais pas étonné dans 2027 de voir Aston Martin Mercedes. Je ne serais pas étonné. Bah, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision, alors. Hein, faut pas tarder. Hein. Parce que voilà, quel est le potentiel de rattrapage de Honda avec le fameux système ADUO, qui vous permet effectivement de faire plus de développement. Seuls eux savent où sont les points faibles. Est-ce que c'est du côté logiciel, est-ce que c'est du côté hardware? Là pour l'instant on n'a pas les ça rigole bien ça dans le chat ou je sais pas, mais... oui, on avait quelques petits commentaires, mais bon voilà, c'est compliqué de le savoir pour l'instant, mais attendons quelques courses. Mais si c'est vraiment catastrophique, je pense que Laurent Stroll il enverra péter les Japonais bien comme il se doit, et puis voilà quoi. Mais pour récupérer un moteur Mercedes, il faut quand même qu'il y ait un client en moins, parce que Mercedes, on a toujours dit que 4 équipes c'était le grand maximum. Bah oui, c'est Audi, hein, normalement, qui est prioritaire. Ouais, c'est normalement, si on prend les règles de la F1, c'est Audi qui doit fournir un moteur à Aston. Si après, on... voilà, les Honda, ils ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient récupérer. Aston a beaucoup de budget, donc il y a quand même des raisons d'être optimiste. Mais même si, encore une fois, ça fait des années qu'il y a des raisons d'être optimiste pour Aston. Il ne faut pas oublier aussi que les budgets moteurs sont plafonnés, donc Honda ne peut pas embaucher 3 milliards de personnes et faire travailler les gens de la division avion comme par le passé. Quoi. C'est ça. Et effectivement, comme le dit Harry Portier, c'est pas un Audi qu'ils vont avoir chez Aston Martin, c'est un audit, puisqu'il va falloir, avoir tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est, ouais, c'est. Enfin, moi, je suis. À la fois, ça me rend triste parce que j'aurais bien aimé que ce projet marche, parce que c'est vrai que c'est un peu. Ah oui, évidemment. En fait, ils nous ont annoncé un peu les Avengers de la Formule 1, quoi. Donc, on a envie que ce soit. La voiture est superbe en plus. Ouais, mais c'est pour ça. On a envie que ce soit. C'est pas fini, mais c'est mal parti, quoi. Oui, voilà. Exactement, faut pas tirer tout de suite des plans sur la comète. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant. Après, en plus, Alonso est encore jeune, il a de quoi venir 3-4 ans avant. Non, oui. Ils ont quand même fait un poste le jour, ils ont parlé de lui en tant que rookie. Ou non, mais il va partir juste, et l'année d'après, juste après, Stroll sera champion du monde. C'est obligé. C'est ça. Maintenant, s'ils sont à 4 secondes des temps jusqu'à la fin de l'année, je doute qu'il rempile en 2027. Hein. Bah, surtout que les F1 n'ont pas de lui plaire. Donc, Il a quand même dit qu'il attendrait jusqu'à septembre, quand même, hein, pour se décider. Donc, ça va être. S'il est en fond de grille, ça va être affreux. Ah bah vous, on aura des bonnes déclarations. Ah bah là, on va pouvoir faire des beaux titres. Hein, mais Oui, là, je pense qu'en termes de titrail, on sera pas mal. quand on sait le calvaire qu'il a fait vivre, et à juste titre, après, je veux pas... Chez McLaren, il avait le droit, parce que vraiment, il avait rien à se reprocher, et voilà, il a pas grand-chose à se reprocher non plus. Mais... Alonso, il doit avoir un contrat, il a pas le droit de dire le mot Honda. Mais non, mais c'est ça qui est fou, c'est que ça fait 10 ans qu'il s'évite, parce que ça a tellement mal fini entre eux, que ça fait 10 ans que dans le paddock, on les met un T, on les regroupe pas, et là on a dit bon allez maintenant c'est bon, on peut faire le passé et on remet Alonso. L'attaché de presse d'Aston est en panique là, ils arrivent à contenir, mais ils n'y arriveront pas. Alonso, il a pas rien à perdre. Ils enverront Pedro. Si, c'est un espagnol. Ils l'enverront au média peine avec un masque de Fernando Alonso. Et puis il faut pas compter sur Stroll pour parler du coup. Ah non. Il va peut-être être obligé de faire le SAV. Il a quand même dit des choses très sympathiques. Hein. Ce qu'il y a de plus joli, c'est la livrée. je suis content d'être là, il y a un bon climat. Au moins, la livrée est bien, il fait beau. je vous dis, c'est une catastrophe de com', cette équipe. Et parce que, en fait, pour que les gens situent, si jamais vous n'avez pas vu la news, c'est des vraies citations de Lance Stroll. Hein. Oui. Il a dit qu'en gros, heureusement, voilà, bon, la voiture est jolie et le climat de Bahreïn était meilleur que celui de Barcelone. Ça donne une ambiance. C'est waouh. Parce que j'imagine pas à l'usine de Silverstone de faire un temps dégueulasse en plus. Ouais, c'est ça, non mais. Donc, Non mais c'est affreux. Enfin moi je suis je suis vraiment scotché par la manière dont la hype est montée jusqu'à Barcelone au moment où on a appris que finalement ils avaient du retard et qu'en fait là depuis c'est juste une descente aux enfers mais à vitesse grand V. J'espère pour eux que ça va se calmer vite et qu'ils vont quand même être au niveau, mais là, c'est vrai que, avec le recul, on se dit Honda qui revient, qui prend des mois de retard, un management qui est très instable, un patron colérique, qu'est-ce qui pouvait mal se passer, quoi. Ah, mais c'est ça, hein. Tu parles de qui, patron colérique? Newey? Non, Stroll. Ah, parce que Newey, apparemment, le patron, c'est pas non plus quelqu'un de très zen, hein. Moi, je pense que c'est une énorme connerie, et ça, j'ai déjà dit, de l'avoir mis en team principal. Je pense que Newey en team principal, on lui a donné un pouvoir de fou, parce que mais j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est... je sais pas d'où vient cette idée de le mettre en avant à ce point-là sur la com, je sais pas si... Mais j'ai l'impression qu'il y a un... C'est pour le garder, mon avis. Il y a un truc qui est en train de se passer avec Newey, là. Il a changé de façon d'être. Et pourtant, quand on entend parler, il est assez discret, comme d'habitude et tout, mais il y a un truc qui se passe, quand même. Il a refusé de répondre aux interviews pendant la présentation. Ouais. Il a refusé d'être pris en photo. Il y a aucune voilà, les seuls photographes qui étaient autorisés, c'était les appareils photo, les smartphones, c'était ceux des invités, pas ceux des médias. Les seules interviews qu'il a ou les seuls gens à qui il a parlé, c'était les invités, pas les médias. Après les essais de Bahreïn, il a pas parlé aux médias. Il y a pas une seule déclaration de Newey sur les essais de Bahreïn. C'est strollisé. À voir ce qu'on dira dans 7 jours quand on refera un live post-essai de Bahreïn numéro 2, donc lundi prochain. Je sais pas s'ils avaient mis 20 balles sur la position d'Aston Martin, mais moi je serais presque en train de dire que ça sera pas beaucoup mieux. Hein. Ouais. Bah, en une semaine, tu vas avoir des miracles sur le moteur. Hein. Écoute, sur les 20 balles que tu me dois, Manu, je les remets en jeu sur le fait que ça ira pas mieux. il joue sur le logiciel, apparemment. Hein. C'est l'espoir parce qu'il n'y aura pas d'évolution de moteur hein, la semaine prochaine. Hein. Ouais, c'est le logiciel, mais bon, le logiciel. Voilà quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est... Moi, je suis. En plus, la justification, du fait qu'ils n'avaient pas dépassé les 280 km/h à Barcelone, c'est qu'ils n'avaient pas de pièces validées pour aller au-delà de la vitesse de 280 km/h. Waouh! Ouais. Wow. La voiture se désintègre quand on passe au-dessus des 280 ou quoi? Je sais pas, c'est une DeLorean, elle part dans le futur, elle part dans le passé, elle rejoint la Leyton House dans le musée. Je sais pas ce que c'est. Bah, au moins, la Leyton House, elle pouvait faire des coups. Ou la McLaren de 2003. Ah mais c'est ça, ouais, c'est ça. Elle rejoint une autre dimension de la F1. Bah c'est pour ça qu'Alonso est là en fait. Alonso il a 22 ans. Il ne fait que retour vers le futur. Non mais c'est, ouais, moi je suis. Enfin... Il a courbé l'espace-temps. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise, mais pour l'instant ça a l'air de partir au fiasco total. Hein. C'est. Non mais je veux dire ils avaient tellement de retard à rattraper qu'ils avaient forcément s'il fallait rouler là il fallait rouler directement dans des bons. Ouais. Bah, comme Williams a fait. Exactement. Et là, clairement, ça ne l'a pas fait du tout. C'est qu'il y a des soucis. Quoi. Voilà. Ouais. Après, il y a quand même une bonne nouvelle pour Aston, c'est qu'il va faire beau aux essais de Bahreïn. Wow. Et ça, ça valide le point positif souligné par Lance Stroll. Tout à fait. Il pourra prendre le soleil en bord de piste. Et ça, c'est chouette. On va installer un transat pour Fernando aussi à côté pour les autres jours. Et la livrée ne va pas changer. Donc la voiture sera toujours jolie. Bon, ça, au moins... Voilà. Encore que, moi je ne trouve pas ouf. Mais... Si, ils lui ont mis comme des huit de requins absolument énormes pour refroidir le moteur Honda. Ça, ouais. On n'en a pas parlé. C'est vrai qu'elle avait, un petit peu changé. Hein, entre le début des essais et la fin des essais, c'était plus pareil. Quoi. C'était un petit peu différent. À voir s'ils vont pouvoir les réduire un peu en se disant bah, c'est bon, finalement on a de la marge sur l'exploitation en termes de température, mais s'ils doivent monter un peu la puissance. Parce que là, les huiles, c'est quand même du niveau de ce qu'on voit normalement en plein été quand il fait 50 degrés en piste. Quoi. Ce qu'on voyait l'an dernier chez Alpine, hein, qui était la référence en termes de huiles démesurées. Je relève que Guigui dans le chat dit qu'il nous offre du champagne si Aston est à moins de 3 secondes. Donc, j'imagine qu'il parle à tout le chat. Donc voilà. Hein, on va compter sur New Web pour faire un miracle. Il n'a pas dit quand, hein, donc on a du son. Oui. Bah, Tchoum, tu dis, je préfère toujours le British Racing Green que le bleu Red Bull. Le problème, c'est qu'elle n'est plus du tout British Racing Green, la Stone. Elle est sur un vert satiné, là. British Racing Green, pour référence, c'est ce qu'elle était en 2021. À l'époque, il y avait du rose avec. Donc, Après, vu que c'est Alonso, tu peux nous offrir du Frexnet, ça ira très bien. Oui, tout à fait. C'est moins cher. Ça te coûtera moins cher. Et donc, Sobat était délicat, qui dit, j'ai mal à comprendre comment on passe de la référence moteur à un truc raté. Bah, d'une part, il faut travailler avec une nouvelle équipe, ce qui pose des problèmes d'intégration. Et d'autre part, on a arrêté, a mis sur pause son projet moteur lorsqu'ils ont décidé de quitter puis de revenir en F1. Ce qui leur a fait prendre un grand retard. Et puis, on le sait, c'est pas les meilleurs pour négocier un début de règlement et puis peut-être un peu de déni du côté des Japonais. Et moi, je pense à un mauvais travail avec Aston Martin. Aussi. Je pense qu'il y a un vrai problème. Et ça va aller. En fait, le problème, c'est que les Japonais, on sait qu'ils sont quand même un peu susceptibles. Et que si Aston Martin commence directement à les jeter sous le bus avant même que la voiture soit prise la piste pour une course, ça va vite tendre les relations. C'est exactement... Là, ils sont en train de faire... Aston Martin fait le playbook exact de McLaren en 2015. C'est le moteur n'est pas bon, la voiture est bonne, mais pas... Voilà, on sait pas exactement... Ça a toujours été tendu dans toutes les époques. Regarde même McLaren Honda des années 90, 80, 90 aussi. Ça... Enfin là, au moins, ça enchaînait les titres. Hein. Oui, ça enchaînait les titres, mais bon, ça, c'était pas la joie non plus hein, dans le garage. Hein. Surtout en plus quand il y a eu des rumeurs de favoritisme envers Senna et compagnie. Voilà, mais ça n'a jamais été un long fleuve tranquille entre Honda et ses équipes. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait, parce qu'ils influaient un peu sur. Ils se disaient qu'ils influaient sur la lutte contre les pilotes. Mais là, ouais, au moins à cette époque-là, ils avaient le meilleur moteur en F1 pour le coup. Là, le problème, c'est que là, ouais, c'est compliqué. Et encore une fois, Red Bull a prouvé qu'on peut travailler avec Honda et que ça peut marcher. Alors, même si effectivement, il y a eu cette pause au milieu, moi, je pense pas qu'Honda, enfin, je veux dire, l'équipe de l'usine de Sakura, elle a pas juste oublié comment faire un moteur. Et je suis convaincu que Aston Martin ne fait pas ce qu'il faut non plus. Et on se rappelle qu'on avait appris au fur et à mesure du temps, et notamment quand il y avait eu. Quand il y avait eu ensuite, quand Honda s'était pas mal ouvert après avoir quitté McLaren, et même quand c'était Brand qui avait repris le truc en admettant les erreurs qui avaient été faites, que McLaren ne donnait pas assez d'informations à Honda sur son châssis et ne faisait pas les compromis qu'Honda demandait en termes d'intégration et de montage du châssis dans le moteur, enfin du moteur dans le châssis. Et si Aston Martin fait la même erreur, les résultats seront les mêmes. Encore une fois, on a vu à quel point les gens de chez Audi ont expliqué que c'était ultra important de faire travailler les deux ensemble, et on a vu à quel point Red Bull a dit que c'était ultra important de travailler les deux ensemble. Et voilà, et franchement, c'est un peu dommage. Donc, j'ai un peu de mal à imaginer que ça va aller vers le mieux si le début est vraiment aussi raté qu'on nous le dit. Donc, effectivement, je pense que l'équipe va devoir passer par des phases douloureuses de retour en arrière, de perte de pilote, de rechangement de hiérarchie dans l'équipe, entre guillemets. Voilà. Mais c'est vrai que oui, Seven, c'est un moteur 100% Honda. Hein. Ils font le thermique et l'électrique. Donc voilà. En tout cas, bon, on verra. Hein. Après, peut-être qu'on est oiseau de mauvais augure et que ça va très bien se passer la semaine qui arrive. On n'est pas non plus à l'abri que les choses s'améliorent et que finalement ce soit des défauts de jeunesse. Mais c'est vrai que pour l'instant, les signaux sont rouges. Quand même, hein. Les signaux sont rouges pour l'instant. En fait, dans tous les signaux sont rouges, c'est ça le problème, c'est que c'est la puissance, le régime moteur. Presque tout. La voiture est jolie, on va en parler. Et il fait beau. Et il fait beau. C'est vrai. Ça, c'est chouette. Non, voilà, donc c'est le bilan qu'on peut tirer de cette première semaine d'essai à Bahreïn. Ça continue. C'est qu'il fait beau. C'est qu'il fait beau, exactement. Voilà. Ça continue cette semaine avec 3 journées d'essai, hein, sur le même schéma que la semaine dernière. 8 heures par jour, donc 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Ce sera 8 heures midi, 13h, 17h, à suivre évidemment en live sur NextGen Auto, puisqu'on va encore vous faire un direct commenté comme d'habitude, avec toutes les réactions à la fin des journées, évidemment. Oui, c'est mercredi, jeudi, vendredi, ouais, Harry, tout à fait. Petit commentaire sur les livrées qu'on n'avait pas encore vues, du coup, puisqu'on n'avait pas eu, la dernière fois qu'on a fait l'émission, on n'avait pas toutes les décorations, notamment celle de Cadillac, puisque c'était la présentation la semaine dernière, dans la nuit de dimanche à lundi. Messieurs, je vous laisse commenter votre... on a fait notre classement des livrées, et on ne va pas vous mentir, elle a été assez plébiscitée au sein de la rédaction. Je pense qu'on est sur quelque chose de très réussi, globalement, Franck. Oui, honnêtement, Cadillac, ça a été pour moi mon coup de cœur. Ça a été aussi le coup de cœur des sondages qu'on a fait, parce qu'on a fait un sondage sur le site. Mmh. Il y a eu quasiment 2500 votes. Et j'étais extrêmement agréablement surpris de voir que les gens, qui sont quand même assez peu au courant de cette équipe Cadillac, c'est comme toute nouvelle équipe, elle n'a pas forcément beaucoup de fans, enfin, même très peu. Hein. Les seuls fans qu'elle doit avoir, c'est peut-être les fans de Perez et ou de Bottas, voilà, qui doivent commencer un peu à suivre un peu, mais c'est quand même l'équipe qui a remporté vos suffrages avec plus de 15% des voix, donc 391 voix devant Red Bull et Ferrari et Aston. Et donc pour moi c'était mon choix numéro 1, parce que voilà, la livrée asymétrique très très bien maîtrisée, franchement un super design, et très surpris de voir que nos lecteurs finalement ont aussi voté avec leurs yeux et pas forcément juste avec leur esprit de fan de telle ou telle équipe. Et on reconnaît effectivement que, honnêtement, on a un top 3, un top 4 qui est à peu près similaire. Hein. Cadillac, Red Bull, Ferrari, Aston, ça se tient un petit peu dans ces eaux-là. Donc bravo à Cadillac pour cette entrée en matière réussie, en tout cas en termes de couleurs. Je trouve que c'est vraiment très très sympathique. Et ravi de voir que nos avis convergent aussi avec ceux de ceux des lecteurs, donc c'est vraiment vraiment pour moi la avec avec un petit côté McLaren West des années Hakkinen, écoute, moi je l'ai placé deuxième après Toyota que je trouve encore plus superbe, mais en tout cas Toyota même plus dans l'équipe carrément Toyota, mais c'est vrai que en tout cas, ouais, cette livrée, c'est vraiment très réussi. Hein. Ça prouve à Audi qu'on peut être une nouvelle équipe et faire une livrée réussie. Voilà. C'est ça. Ça c'est petit scud auquel je plus sois, puisque Audi, vraiment, c'est pas foulé. Ouais. Sobret est dédié, demande Alpine. Bah, Alpine, c'est pareil. Hein, dernière, mais a failli faire mieux que McLaren quand même. Alors que, bah, en fait, les deux équipes qui ont gardé la même livrée que l'an dernier ont été pénalisées. Sauf que moi, je trouve que la livrée de la McLaren fonctionne, alors que celle de l'Alpine, je trouve qu'elle fonctionne pas. Mais, bah, celle de l'Alpine fonctionne pas, et celle de McLaren, je suis désolé, je la trouve un peu trop simpliste maintenant. Voilà, ils ont réussi à faire des livrées one-off qui étaient vraiment sympas. Mmh. Pour le coup, celle-là, je la trouve hyper fade. Voilà, c'est, ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a été sanctionné, parce qu'elle est, voilà, c'est orange, noir et les sponsors qui sont un peu trop nombreux, clairement, hein, sur la voiture. On dirait un peu un catalogue, certes. Mais... Voilà, c'est un Ferrari aussi, maintenant. Comme tu dis, mais... Ferrari, moi, j'aime pas le blanc. Hein. J'aime toujours Moi, j'aime bien. Ouais, bon, ça dépend. Moi. Ça dépend des angles de vue, moi, pour moi. Pour c'est Ferrari. Vraiment le logo HP qui me pique un peu les yeux, mais... Mais j'aurais préféré la couleur de la Ferrari cette année avec l'intégration du HP de l'an dernier. Voilà. Là, j'aurais été très content. Mais c'est la Williams. La Williams, je la trouve très bof. On en a parlé, mais... Williams, ah, McLaren Williams, très très mal classée. C'est ça, ouais. Bah, la Williams, elle est du côté Benetton 95, quand ils ont mis le Flovis sur les bargeboards latéraux. C'est Manu qui avait remarqué ça sur les photos XPB quand on faisait le live. Mmh. C'est vrai, hein, ça va vraiment ce côté-là. Ah ouais, mais finalement, c'est pas très recherché. Quoi. En fait, ce que je trouve dommage avec Williams, c'est qu'ils avaient une super identité quand ils avaient l'espèce de diamant sur le côté, là. Ouais. 2022-2023. Et je comprends pas pourquoi ils sont partis de ça, parce que ça rendait super bien, c'était super joli. 2024, il n'y avait plus le diamant, mais ils avaient mis le logo original de Williams en surbrillance, enfin en foncé, vraiment en grand. Et ça rendait très bien aussi. Et là, je sais pas pourquoi, ils ont décidé de faire des aplats de couleurs, c'est un peu décevant. On nous dit que Red Bull, le rendu est pas top, et là, tu rejoins exactement l'avis qu'a donné Manu pendant les essais de Barcelone notamment. C'est un peu moins le cas à Bahreïn. En fait, quand le temps est nuageux, le bleu tourne vraiment foncé, voire noir, et on retrouve presque l'identité mate qu'on avait de l'an dernier, en fait. Il faut vraiment beaucoup de soleil, que ce soit très brillant, qu'on ait vraiment le soleil en plein sur la carrosserie, pour que ce bleu qu'on nous avait vendu dans les rendus 3D, qui était absolument magnifique, ressorte juste un petit peu, parce que pour moi on n'a toujours pas la promesse. Les rendus 3D, pour moi, limite, si je dois faire un fond d'écran sur mon PC, c'est pas une F1 que j'ai en fond d'écran, mais si je dois choisir un fond d'écran du PC d'une Red Bull, à mon avis, pour l'instant, il n'y a que les rendus 3D qu'on a eu pendant la présentation, qui pour moi, on trouve grâce à mes yeux. Quoi. Maintenant, elle a été élue numéro 2. 4 voix juste devant. Un peu plus devant. 24 voix devant la Ferrari. C'est quand même un bon retour au bleu gloss. Moi, je pense qu'elle a eu ce plébiscite parce qu'elle a changé de livrée, en fait, tout simplement. C'est ça. Et les rendus 3D étaient magnifiques. Rendus 3D étaient fous. Et après, globalement, les équipes sont revenues à des couleurs brillantes dans quasiment tous les cas. Et qu'est-ce que ça fait du bien, franchement, par rapport aux livrées ternes là, qu'on avait depuis 2019. Et c'est Alka qui fait une très bonne remarque. C'est vraiment la découpe entre le bleu et le carbone en dessous, c'est-à-dire au niveau des pontons. Ça fait vraiment pas beau, quoi. Non, bah déjà sur les précédentes, c'était pas ouf. Ouais. Et c'est toujours un peu sec au milieu du ponton, c'est pas très joli. Après, ça reste des voitures d'essai, donc peut-être que ce sera plus soigné en termes de présentation pour les Grands Prix. Je suis pas convaincu. Mais c'est vrai que le carbone, il faisait un peu. Carbone un peu défraîchi. Ouais. C'était un peu grisonnant. Hein. Et depuis 2022, on a ça. Hein. Mmh. Et par contre, la Haas aussi, hein, très très. Qui a été globalement plébiscité. Ah, oui. Et moi, je la trouve vraiment très réussie. Ouais, vraiment très réussi. Bon, avec un As légèrement plus petit sur les pontons, j'aurais mieux classé. J'avais déjà dit d'ailleurs. Ouais, moi j'adore ces logos As sur les pontons, je trouve ça vraiment très cool. Le GR il est énorme, mais il est super bien intégré. Ouais. Le As c'est énorme, mais. C'est que la taille du logo GR. Le TWG de la Cadillac, du coup, sur les vrais pontons, c'est-à-dire des pontons plus fins que la maquette, ça marche beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir lors de la présentation du Super Bowl. Et c'est pour ça que pour moi, la Cadillac. Bon, le Cadillac pour moi est de loin la numéro 1. J'ai même plus d'hésitation possible si je dois en classer une. C'est peut-être une des rares F1 que j'achèterai en miniature, parce que j'achète en miniature en général les Ferrari, les Mercedes, les Red Bull et la voiture championne du monde. Donc ça, j'achèterai la McLaren de l'an dernier. Mais là, peut-être que je me surprendrai à prendre la Cadillac. Elle va peut-être être championne du monde. Hein. Okay. et d'ailleurs, bon courage pour les fabricants de miniatures pour bien reproduire la livrée de la Cadillac. Ouais. Après, elle n'a pas de sponsor aussi. Hein. Voilà, oui, c'est vrai. Oui. Et ça, franchement, ça aide vachement parce que du coup, ils ont pu faire un joli truc graphique sur l'arrière. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut plus faire certaines équipes, notamment Williams. Je pense qu'il y a aussi ça pour lequel ils ont abandonné les motifs. C'est qu'en fait, Williams, ils ont beaucoup plus de sponsors qu'avant. Et je pense que c'est compliqué d'intégrer. C'est un bon problème. C'est un bon problème à avoir. Quand même. C'est un bon problème à avoir, évidemment. Ils ont plus Rockit. Moi, je dis que j'achèterai pas la Aston Martin AMR 26. Alors, je vous avoue qu'à l'heure actuelle, si je vais parier contre Aston Martin, je mettrai un bon petit paquet d'argent. Mais je vais attendre un petit peu quand même. Ah, c'est vrai que ouais, c'est. Moi, j'achèterai McLaren avec le numéro 1 dessus, évidemment, parce que c'est beau. Mais il y a que le numéro 1 qui est joli, hein, parce que c'est la voiture. Sinon... Non, mais ils ont fait une belle présentation qui était sympa quand même. Limite, je préférais la livrée de provisoire qu'ils avaient en essai à Barcelone. Ouais, mais c'était pas McLaren. Elle était très jolie, mais c'était pas très McLaren, quoi. Ouais, je sais pas. Là, je trouve que c'est vu, revu. Et... Oui, parce que c'est la même que les deux avant. Et la découpe, pareil, pour le coup, c'est. J'ai pas envie de critiquer Audi, parce qu'Audi, c'est encore plus droit et compagnie. Ouais. Mais c'est vrai que la découpe de la livrée McLaren, elle est aussi un peu taillée à la serpe aussi. Hein. C'est quand même deux diagonales derrière. Oui, qui, oui, c'est bien. C'est par l'orange et le noir, mais bon. Ouais. Non, mais je pense que la livrée d'Audi, elle est pas terminée, en fait. Elle serait terminée en 2028. Mais non, mais c'est vrai que. Ouais. Après, c'est. Je pense que ouais, globalement, McLaren, c'est sûr que c'est exactement le même que les deux années d'avant. Et j'espérais qu'ils fassent un truc un peu différent. Mais... Ils sont en tout cas fait largement. La Mercedes, non, ouais, elle est bien. Mercedes avait très mal démarré dans le sondage que je suivais un petit peu. La Mercedes était vraiment au fond de peloton avant d'arriver au milieu de peloton. Mais au départ, effectivement, c'était Alpine, McLaren et Mercedes qui avaient vraiment du mal à décoller. Bon, Alpine et McLaren n'ont pas décollé du tout. Et Mercedes, ça finalement. Ouais, Mercedes aussi. Moi, ce qui est bien avec Mercedes, c'est qu'avec les mêmes couleurs, ils font quand même pas mal de variations de design sur leur bande, sur leurs couleurs et tout, d'une année à l'autre. On n'a jamais vraiment la même Mercedes. Là, c'est vraiment les pontons, pour le coup, qui tranchent un peu par rapport aux années précédentes. Donc, ça, c'est cool, je trouve. Ouais. Par contre, moi, c'est l'Alpine, effectivement. De face, on la voit rose. De côté, on la voit bleue. Bon. Ouais, j'ai l'impression que BWT, il faut les satisfaire et tout, mais en termes de com, BWT, il n'y a rien eu du tout cette année. Hein. Non. On a parlé de MSC, mais BWT, aussi, à part le fait qu'ils filent de l'eau traitée au paquebot de la présentation, c'est tout ce qu'on a eu en termes de com sur BWT, quoi, qui est quand même sponsor titre d'Alpine, je le précise. Hein. Je pense que chez BWT, on a un peu tiré la gueule depuis que Briatore est arrivé parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Quoi. Non. D'ailleurs, il n'y a même pas de livrée rose prévue cette année, je crois. Peut-être en fin de saison. Mais... Et oui, globalement, BWT, c'est vrai qu'ils sont un peu invisibilisés. On a fait aussi un classement des présentations, nos notes des présentations, parce qu'on a tout suivi forcément. C'est un gros succès d'ailleurs. En live, ouais, vous avez été beaucoup à le lire. On a publié hier. Où on a justement jaugé un peu qui a fait des efforts en termes de marketing, de commerce, enfin de communication et tout ça, et puis qui a fait du trop de marketing ou qui a fait des choses un peu. Qui a trop foiré. Aston Martin, encore une fois, tout dernier. Ouais. Audi qui est pas loin derrière non plus. Enfin, t'as pas mis zéro, toi, plus, Aston. Ah ouais, Aston, moi, c'était un zéro pointé. Bon, j'ai mis un peu pour comme les profs disent, c'est pour l'effort, quoi. Ah non, voilà. Moi, je fais même pas. Mais même, voilà, la présentation qui était préenregistrée d'Aston Martin, le stream YouTube était pas bon, quoi. Non, puis il n'y a pas... Même les rendus 3D, c'est même pas la vraie voiture. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Et pour moi, ce reste celle qui reste quand même la référence, je pense, pour tout le monde, c'est Ferrari, qui a quand même la grosse prise de risque de dire... Tel jour à telle heure, la présentation arrive et la voiture elle part en piste. Et t'as pas le droit de te foirer. Voilà. C'est pas une présentation statique d'une bagnole que tu envoies en live vidéo sur YouTube. Ouais. C'est la voiture qui doit décoller de son garage à Fiorano. Eux, chaque année, il y a les photos studio, c'est pas des 3D, c'est des vraies photos studio avec la vraie voiture. Et ensuite, on la voit en piste dans la foulée et ça, c'est parfait. Guigui, elle a eu une très bonne note, mais je ne te dis pas la note, tu iras voir sur notre article. Sur le site. Mais elle a eu une très bonne note, évidemment, parce qu'on a été tous les deux très conquis par la présentation de Ferrari. Mais ouais, non, c'était marrant de voir un peu. En plus, l'équipe a dû présenter les voitures tôt, puisque forcément la saison a repris très vite, donc c'était intéressant. Au moins, qu'on peut reconnaître, ça a quand même été plutôt bien étalé en termes de charge de travail aussi pour nous. Parce que quand vous prenez des fois ça nous est arrivé, hein, 5-6 voitures dans la même semaine, et parfois raison 2 ou 3 par jour, et qu'on vous envoie des packs presse avec 4, 5, 6 interviews complètes. Pour chaque équipe et que vous avez là c'est toujours un peu chaud. Là cette année c'était quand même plutôt pas mal, donc lundi dernier là, avec Cadillac plus McLaren plus Aston et en plus Aston pour ce qu'on a vu, franchement Oui, voilà. En fait, ils ont dit qu'ils ont tellement bossé très tôt le matin avec Cadillac et McLaren. On va les soulager, on va pas trop en dire. Et puis, moi, j'ai pénalisé Red Bull et Racing Bulls pour l'horaire, évidemment, parce que ça a été présenté en pleine nuit. Voilà, en tout cas, c'est nos enseignements plus généralement sur la semaine d'essai qui vient de passer. Et puis, ce qui nous attend un petit peu cette semaine, je ne sais pas, Franck ou Alex, si vous avez des petites On sait que ça va très vite évoluer, ça va très vite évoluer de Grand Prix en Grand Prix et de séance d'essai en séance d'essai. On sait que la Ferrari apporte des évolutions, ça ne sera certainement pas la seule équipe, donc la hiérarchie risque de beaucoup évoluer. Ensuite, l'attente, elle sera longue, hein, jusqu'à Melbourne finalement, où tout le monde va vouloir débriefer. Alors, longue et courte en même temps, bien sûr, mais on a tous hâte de savoir ce que donne CF1. En termes de performance sur la piste, et puis en parlant de performance, on va avoir vraiment des runs performance dans cette dernière semaine de Bahreïn. Et là, les chronos, il ne faudra pas évidemment les surinterpréter, mais si vous avez tout le temps les mêmes équipes devant, ça va aussi commencer à signifier quelque chose. Quoi. Peut-être que Aston prendra la version longue du circuit, histoire de histoire de pas montrer. De plus régénéré. Ou peut-être la version courte, justement, les versions autour. On devrait effectivement avoir des runs performance, c'est sûr, mais... Mais clairement, pour l'instant, l'enjeu de ces F1, pour moi, elle reste quand même sur les relais de course, hein, vraiment sur la gestion de l'énergie, tout ça. C'est vraiment le vrai différenciateur. Ça ne va pas vraiment, pour l'instant, je pense, la performance pure sur un tour, même si elle sera forcément importante. Ça sera forcément la meilleure synthèse possible du déploiement de l'énergie sur un tour. Donc ça, c'est ce qu'on attend. Mais ouais, les plus gros écarts, les choses les plus importantes attendues sont surtout en course. Là, pour le coup, celui qui sera en pole position à Melbourne, je ne mettrai pas ma main à couper qui sera forcément le favori pour gagner la course. Mais ça, aussi. Même pas 20 balles, alors la main à couper. Non, mais je te dis, Ferrari, tu le continues. D'ailleurs, Ferrari part en dernière position avec leur système de départ. Ils prennent la tête au premier virage et on les voit plus après. On les voit plus. Moi, ça me va très bien. Alors, ce serait As, du coup, en dernière position. Cadillac. Ouais. Ouais, bah écoute, on verra bien ce que ça donne. Moi, je suis hyper impatient de voir les essais de la semaine prochaine, clairement. En plus, on les suit en live texte. Voilà, pour ceux qui ont la chance d'être abonnés à Canal Plus ou sur F1 TV, qui ont encore un abonnement à F1 TV, parce qu'il ne faut pas le couper. Non. Si vous êtes encore abonné, si vous le coupez, vous perdrez F1 TV, gardez-le. Voilà, vous pourrez effectivement voir les 8 heures à la suite. Bon, on sait que comme la grande majorité d'entre vous, ou sont à l'école, ou au lycée, ou à l'université, ou travaillent. Voilà, donc vous ne pouvez pas forcément regarder ça en live. Et comme la pause déjeuner, elle tombe à peu près la même pause déjeuner. C'est pour ça qu'on vous invite à nous suivre en live texte sur le site. Et surtout, on aura encore plus d'informations à vous communiquer. Donc, Manu et moi, qui faisons déjà un live, j'étais bien rentant pendant trois jours. Là, on a en plus des conférences de presse FIA qui auront lieu avec six acteurs le mercredi, six acteurs le jeudi, six acteurs le vendredi, si je crois bien. On a encore plus de réactions à vous apporter dans l'après-midi. Donc, déjà que là, ça tombait à des sacrés rythmes. Ça va s'accélérer encore la semaine prochaine. Donc, vous ne montrez rien comme d'habitude sur Next Gen Auto. Et on n'attend pas, nous, le lendemain matin pour publier les réactions de la veille. Je tiens à le signaler. Voilà. Et vous avez tout. Voilà, on les publie toutes aussi. Voilà. Donc, si vous voulez tout savoir, vous avez tout sur le site dès le soir même. Voilà. Tout à fait, exactement. Ça va être une semaine intense, mais ça va être très intéressant. Moi, effectivement, comme toi, enfin, comme vous, je suis impatient de voir cette dernière semaine d'essai et on sait qu'on n'aura pas les réponses à nos questions avant Melbourne, mais on voilà. C'est bien qu'un jour de spéculation, ça va être ça. De toute façon, on vous fera une émission après cette semaine-là pour vous faire un point et puis après ce sera. Et puis mouiller nos chemises aussi, parce qu'on n'a pas dit qu'on devait faire nos pronostics après aussi. Je pense que on avait fait les pronostics à l'aveugle après Barcelone. Ouais. J'avais dit qu'Aston Martin allait être quatrième force du plateau. Bon, j'aime autant vous dire que j'ai revu un peu à la baisse mes attentes envers cette équipe. Mais je pense que oui, on peut attendre la deuxième semaine de Bahreïn, comme ça on pourra faire des vrais pronostics d'avant-saison. On n'oubliera pas ceux de Barcelone, j'assumerai ma surestimation d'Aston Martin, évidemment. Je sais plus ce que j'avais dit, moi. Alors moi, je tiens à dire que j'ai toujours dit que j'ai voyé mal Aston. Hein. Ouais, non, mais c'était le moteur en bas. Mais moi, j'ai acheté la communication, moi, tu vois. On m'a dit, ça va être très bien. J'ai dit, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Bah non. J'ai vu un grand soleil, la livrée magnifique. J'ai dit, mais il a raison. Là, c'est ça, moi. Je l'ai vu sourire. J'ai dit, allez, c'est bon, j'y crois. Non, en fait, non. Il souriait plus deux jours plus tard, donc je me suis dit, merde, j'ai peut-être été un peu rapide en besogne. Vous pouvez mouiller la chemise sur le moteur Mercedes, c'est la décision de la FIA. Bah, clairement, le moteur ne sera pas rendu illégal. Non. Je pense qu'il sera, je pense qu'il sera certainement rendu illégal pour la saison 2027, ce qui forcera Mercedes à revoir sa copie. En attendant, on le laissera peut-être rouler et peut-être qu'il y aura un ajustement sur un paramètre ou un autre, histoire de peut-être leur faire perdre l'équivalent de 10 ou 15 chevaux, j'en sais pas. Il faudra qu'ils se mettent tous d'accord sur un chiffre. Il y aura un accord secret. Et voilà, mais de toute façon, le moteur a été homologué par la FIA et vous changez les mesures en cours de route. Voilà, vous pouvez pas les disqualifier, vous pouvez pas les rendre illégaux. C'est pas possible. Et puis on va pas perdre 8 voitures comme ça. Donc, Ferrari a déjà annoncé qu'il porterait pas en réclamation. Donc non, ça, il y aura juste effectivement, écoute, c'est le jeu. On vous l'autorise, voilà, vous avez été plus malin pendant une saison, et profitez-en. Ça va être un petit peu ça. Comme le DAS, hein. Le DAS, c'était la même affaire. Surtout qu'au final, moins dramatique, mais au final, effectivement, il est retiré de même. Hein. Les équipes ont développé des choses avec l'accord de la FIA, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très insisté depuis 2 ans, sur le fait que tous les développements devaient être validés par la FIA. Donc ils l'ont fait, maintenant ça a été validé, on ne peut pas revenir en arrière de manière arbitraire. Et ça créerait un précédent vraiment. Et au final, Ferrari ne portera pas réclamation, ils l'ont déjà dit. Red Bull Ford, très très bel exercice de langue de bois de Pierre Vacher qui a dit non, mais. On n'a pas changé de camp, on réfléchit à vouloir plus de clarifications. Donc on peut comprendre un peu dans les non-dits qu'il n'y aura pas de plainte très claire. Voilà. Donc, après, il reste déjà plus grand monde. Il reste Honda et Audi qui pourraient encore réclamer contre eux. Mais, Honda, vous portez plainte contre tout le monde. Hein. Contre Aston Martin d'abord. Contre Aston Martin pour diffamation déjà. Ils vont mesurer le moteur et là c'est pas du tout de la diffamation. contre Fernando Alonso et puis voilà. Mais donc je pense qu'effectivement ça va. À mon avis là, on n'aura pas de carnage politique avant la saison et Il peut y avoir des surprises, hein, des choses qu'on ne sait pas. Hein. Je pense que là, à mon avis, encore une fois, il n'y aurait pas eu cette insistance sur les homologations avant la saison. J'aurais pu penser qu'effectivement ils allaient, ils pouvaient couper court et dire non, ça c'est interdit. Mais là, tout a tellement été encadré par la FIA dans le développement des voitures et des moteurs que je les vois pas marcher sur leur propre décision. On peut pas pénaliser l'innovation, hein, c'est tout. Donc voilà. Et de toute façon, les clients, Mercedes et ses clients ont été très clairs sur le fait que si jamais il y avait une décision qui était prise contre eux, ils se battraient. Et là, je pense que ça va être, pour le coup, ce serait un peu. Ça mettrait vite la F1 dans une impasse, donc c'est pas le but. Ça servirait pas le championnat et du coup les autres équipes aussi. Donc. C'est ça, hein, tout le monde serait perdant en fait. Seven nous demande d'ailleurs qui est la source de l'info sur les taux de compression. A priori, les ingénieurs Mercedes qui sont passés chez Red Bull. Hein, c'est ça. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on soupçonnait Red Bull d'avoir un petit peu ce genre de tuyau et peut-être de l'avoir intégré sur son propre moteur. A priori, ce serait pas le cas. En tout cas, pas sur cette version 1 du moteur. En tout cas, s'ils l'ont intégré, ils savent pas faire fonctionner. Mais... C'est ça, voilà. Donc peut-être que pour l'instant, ils ont une version 1 du moteur qu'ils l'ont pas, qui ne l'a pas. Et peut-être qu'il y avait une version 2 qui était prévue dans le système ADUO. Peut-être, voilà, parce que pour l'instant, je pense que eux, avant de. Comme on dit toujours, il faut apprendre à marcher avant de courir. Ça reste évidemment extrêmement relatif. Hein. On parle de pourcentage très limité entre une version 1 et une version 2, parce qu'on est quand même sur des choses qui sortent, qui sont quand même très très poussées déjà. Hein. Mm. Mais si effectivement ils l'avaient dans les cartons, je pense qu'ils doivent attendre de voir comment la FIA va statuer là-dessus. Mais voilà, peut-être qu'ils n'ont pas réussi effectivement à le faire fonctionner. À ce moment-là, ça a été vite remonté à la FIA en disant que. Ah, mais le règlement dit qu'une voiture doit être conforme à tout moment d'une compétition. Donc ça veut dire effectivement aussi en roulant. Mmh. Donc moteur chaud. Donc ça on peut pas le nier, mais sauf qu'il n'y a pas de possibilité de mesurer. C'est pour ça que Ferrari a développé a priori une méthode de mesure à chaud des moteurs pour pouvoir effectivement trancher. Maintenant, quand est-ce que ce sera mis en place? On ne sait pas. Voilà. Exactement. Et Adjou nous demande, est-ce que c'est pas ça le souci de fiabilité de Mercedes à Bahreïn? Non, puisque 3 autres équipes ont les mêmes moteurs et n'ont pas eu de problème. Et sachant qu'aujourd'hui, les moteurs clients doivent être similaires en tout point aux moteurs d'usine. Donc, Après, ce qu'on peut aussi imaginer, et ça, je pense que c'est même peut-être la solution la plus logique, ça serait qu'il y ait vraiment des méthodes de mesure à chaud qui soient mises en place, qui n'oblige pas du coup Mercedes à redessiner sa culasse, parce que c'est vraiment la culasse qui est redessinée. Et simplement, bah, à chaud, il faut respecter le 16 pour 1, donc ça veut dire que bah, il faut redessiner une petite pièce voilà, qui permet de réduire très légèrement le taux de compression. Voilà. Peut-être une tête de piston ou autre chose, voilà, qui soit un peu plus creusée que ce qu'elle devrait être, histoire de respecter les 16 pour 1 au lieu des 18 pour 1. Ouais. Après, en disant 18 pour 1, c'est le taux de compression qu'on avait jusqu'à l'an passé. Passer d'un 16 pour 1 à 18 pour 1, beaucoup ont dit que c'était pas possible vraiment. La dilatation, c'est plutôt peut-être du 16 au 17, ou du 16 au 16,5, mais c'est pas du 16 au 18. Mmh. Voilà. Parce que même du 16 au 18, c'est vraiment énorme. Hein. On parle pas de 20 ou 30 chevaux quand on passe de 16 à 18, on parle de quand même beaucoup plus. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, bah, la suite au prochain épisode. Bah, peut-être des mercredis, hein, peut-être des mercredis soir, on aura un communiqué de la commission FM, on sent que l'affaire est réglée. Mm. Comment, on ne sait pas, mais ça sera peut-être réglé. Et Aston Martin qui annonce Pedro de la Rosa comme pilote titulaire. Ça sera un sacré retour, ça, quand même. Mm. Pedro de la Rosa qui tient d'ailleurs toujours le record du tour, je crois, du circuit de Bahreïn. En course, ouais. En course, voilà. C'est lui la référence. Un duo de la Rosa Van Dorn pour la saison. Van Dorn, je pense que mieux que Stroll, hein, pour le coup. Van Dorn, malgré ses deux saisons chez McLaren, je pense qu'il y a ou Jenson Button, ouais. Il est revenu aussi, Jenson Button. Oui, c'est vrai. Il est ambassadeur. Il a changé sa veste. Il a tourné sa veste. Button Alonso, sinon, comme ça, on refait vraiment le casting complet du McLaren Honda de l'époque. Jenson Button qui a dit bon, bah, Williams, ça c'est pas ça. Aston, ça a l'air d'être ça. Ah bah non, merde, j'ai peut-être fait une connerie. Peut-être retourner chez Williams. C'est vrai que c'est un peu un ambassadeur de la loose par moment, lui. Non, après, j'exagère parce que Williams, c'était. Je comprends pas ce que Button est allé devenir comme ambassadeur chez Aston Martin, honnêtement. Bah, un chèque. Oui, non, évidemment. Je veux dire, il n'a pas d'historique avec cette équipe. Quoi. Autant Williams, oui, c'était l'équipe de ses débuts. Ça peut se comprendre. Mais Jenson Button et Aston Martin, il y a zéro relation. Quoi. Il y a zéro historique. Ça, à part le fait qu'ils sont britanniques tous les deux. Ouais, mais la livrée est jolie. Enfin, arrête de râler. Non, je râle pas. Je m'en fous. Il fait bien ce qu'il veut. Moi, je pense qu'ils ont déclenché un très bon historique financier entre eux, à mon avis. Ils ont déjà un ambassadeur qui est Pedro. Alors pourquoi ils mettent deux ambassadeurs? Parce que Pedro de la Rosa, on va pas se mentir, en termes d'ambassadeur hors Espagne, c'est limité. Je pense qu'il est là comme dresseur de Fernando Alonso plus qu'ambassadeur. C'est l'homme qui murmurait. C'est Happiness Manager, quoi. Happiness Manager. L'homme qui murmurait à l'oreille de Fernando. Hein. C'est vrai que. C'est non, ne casse pas le stand. Ne casse non, pas non, le non, stand. Non, arrête. Souffle la couche. Regarde le soleil comme il fait beau. Regarde la voiture, elle est jolie. Jette pas ton casque dessus. Regarde, il y a Adrian au fond du garage. T'as toujours rêvé de bosser avec Adrian. Toujours... C'est ça. Enfin, le cauchemar, Alonso. En plus, d'ailleurs, Alonso l'a dit pendant les essais, il a dit, ça fait 30 ans que je... Enfin non, ça fait des années que je me bats contre lui et qui domine. Et pour le coup, c'est même pas un choix de carrière, parce qu'il était déjà là quand Niue est arrivé. Donc pour l'instant, il a même pas fait un choix. Pour une fois, c'est Niue qui est venu à lui. Il a fait un choix en 2023 de rejoindre Aston Martin. Et, Oui, mais, mais Niue était pas dans les cartes. Non, mais bien sûr, mais voilà, après c'était quand même. Donc voilà, même quand lui il rejoint pas un projet, il se fait quand même avoir. Après, s'il était resté chez McLaren tout le long, il aurait été champion du monde, peut-être. Donc. C'est ça, donc en fait, on pourrait dire que c'est pas Alonso qui a porté la loose dans les trucs, c'est la loose qui venait à Alonso. Enfin boucler la boucle. Le plus grand mystère de la F1 sera enfin résolu. Ah, ouais. Vous voyez qu'on avance dans cette émission. On sait tirer des conclusions. Hein. Exactement. Et pas hâtif, puisque ça fait 25 ans qu'il est là, donc on n'a plus. C'est pas hâtif du tout, il y a juste eu 3 jours d'essai à Bahreïn qui sont pas terribles. Hein. On a déjà largement assez pour tout comprendre. Alors, en tout cas, merci à toutes et tous de m'avoir suivi ce soir. C'était cool. Merci à Contexani et Mac Timber qui se sont abonnés à la chaîne. On se retrouvera la semaine prochaine pour une dernière émission de pré-saison. Nous aussi, on fait 3 sessions d'entraînement avant les Grands Prix. Et puis, après, le début de saison arrivera rapidement. De toute façon, d'ici là, tout est à suivre sur Next Gen Auto. Toute l'actu et les essais intégralement. Voilà, on vous donnera toutes les informations qui viennent de Bahreïn. Et puis, plein de photos aussi. Un grand merci d'ailleurs pour les photos, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu des galeries de photos aussi fortement consultées. Donc, merci à vous. Ça fait on voit plaisir. Que ces voitures vous plaisent et on voit que les supports qu'on vous donne vous permettent de bien les regarder. Donc, ça, c'est bien. Merci Alex, merci Franck. Merci à tout le monde, merci à vous. À très bientôt. Bye, à lundi, bye. Bye. Ciao.